Bière. Y a-tu de la bière ici? Moi, je vais écouter. Y a-tu de la bière ici? Oui, y a de la bière ici. Y a de la bière ici. Mais je crisse mon camp ici. Mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, épisode 18. Nous sommes le 13 juin 2013. Mon nom est André Paquette. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comment ça va tout le monde? Ça va très bien. Ça va bien. On a la chance d'avoir avec nous ce soir Monsieur Olivier Landry de la boutique L'Épicerie, le Biérologue. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Ben merci, c'est un plaisir. Merci de te joindre à nous par ce jeudi ensoleillé. On va en profiter, hein? Fait du beau temps. Pour une fois qu'il pleut pas. Exactement. Puis des belles journées de même, ben ça tombe bien pour boire quelques bières. Oui, en effet. Même quand il pleut, mais c'est le fun quand il fait soleil. Tout le temps le fun. Pas mal tout le temps le fun. Ouais, misé à quelque part. Hein. Après-midi, c'est ça. Là, moi, après-midi, ça... Au bureau. Ouais, ben au bureau, tout le day temps. Drunk. Tout day le temps, ben oui. Après-midi, par exemple. Après-midi, pas le matin? Non, avant-midi, oublie ça. Ouais, ben c'est parce que sans ça, tu tombes endormi trop tôt, tu sais. Ouais, ça dépend de la quantité que tu bois aussi. Hein. C'est sûr. Il appelle pas ça des appels en conférence. On appelle en conférence, puis là, tu disparais pour 45 minutes boire des bières avec tes amis. Ben, appelle conférence, tu pèses sur mute, puis tu bois ta bière. C'est pour les gens qui ne seraient pas familiers avec le Geek Collectif, notre but, en fait, se divise en deux catégories. Vous divertir et vous faire découvrir des choses. Le collectif va servir à vous faire découvrir des passions des gens, donc des geeks. Aujourd'hui, notre geek de service va être Olivier, un geek de bière. Et voilà. Est-ce qu'on est à l'aise avec le terme? Est-ce qu'on aime ça? Ben oui, le terme veut dire que je suis un passionné de bière et que je m'y intéresse à fond, que je m'intéresse à la culture de bière. Alors le terme est fantastique. Bon, ben génial. Justement, en plus, on a eu le temps, par la préparation en ronde, que tu nous impressionnes pas mal par tes connaissances. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que les gens vont se rappeler après l'épisode. Ça va être bon. Effectivement. D'habitude, ce qu'on fait toujours au départ, c'est qu'on fait un tour d'actualité avec les chroniqueurs. Donc, je vais t'inviter à te joindre à nous si jamais tu as un grain de sel à rajouter ou un grain de poivre pour une joke plate. Mais on va commencer avec Eric. Elle était très plate, hein? Elle était spontanée et poche. C'est horrible. Ben, elle était bonne si ça symbolisait une joke plate. Mais ouais. Ça symbolisait. C'est là que je dis que ça symbolisait une joke plate pour me sauver la face. Hein. Elle était excellente. C'est l'explication après qui vient scraper le fun. T'aurais dû tenir sa mort, comme laisser ça couler. Comme... Ben, prochain épisode, je pense que Nick, tu vas commencer l'épisode avec un mot d'introduction. Ouais, tu vas pas mal en train de la tourner ta joke en beurre en ce moment. Ouais, c'est alors, pas grave. Donc, on va arrêter ça de drette là. Eric, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi dans les dernières semaines? Parce qu'on ben, des choses, mais on va juste se concentrer dans les derniers 2-3 jours. Donc, dans les deux derniers. Oh, dans boy, les derniers 4-5 jours, on va dire, là, parce que tu sais que je suis un gros fanatique de jeux vidéo. Moi, c'est vraiment ça. Non. Ma passion, je me considérais même un spécialiste de jeux vidéo. Oh boy, hey. Non, est-ce que tu es reconnu comme une référence dans ton entourage au niveau des dans jeux mon entourage, dans oui. L'entourage, je dirais, okay. Qui torche oui. Tout le monde. Là. Ok, oui. Ok. Puis, mais gentiment, là, je veux dire, en tout cas, j'aime bien ça. Puis, si tu tripes jeux vidéo, ben il y a le 3 qui vient de passer. Je pense que tout le monde ici on suit vidéo? Ça un peu hein? C'est du trip jeu vidéo le 3 cette année? Ça a l'air jeu vidéo est très bon André je l'aime est subtil oui, et oui. Élégante et chapeau je pense que j'ai réalisé que ton rôle sert justement à ça puis merci est très bonne merci mais oui des jeux vidéo pas juste des consoles là. Des jeux vidéo des débats sociaux? Des jeux vidéo ok good et j'ai été tellement content de voir les jeux vidéo qui ont été annoncés consoles mis à part je disais les frustrations, puis je vais pas m'embarquer, mais les frustrations qui ont été mises sur les annonces de consoles, j'y comprends à un certain point. Faut que tu sépares un petit peu les différents débats quand ça vient aux jeux vidéo, puis au niveau des débats des consoles, je comprends les frustrations à certains points, mais moi, je veux rester un petit peu plus sur le niveau jeux vidéo. Vas-y donc. Puis j'ai trippé sur bien des jeux vidéo. Je veux dire, quand ça vient... Non, mais on l'a tout vu un peu. Toi, Olivier, E3, c'est pas... Est-ce que c'est ta tasse de thé? E3, c'est Esther de Lover, je m'imagine. Exactement. Ça veut dire, le E3, pour l'expliquer un peu, s'il y a des gens qui l'écoutent, qui écoutent le podcast ou ils savent pas, c'est le Entertainment Expo, là, ou l'Electronic Entertainment Expo. Parce qu'il te manquait un E, là. Oui. que j'écoute depuis... Moi, je suis ça, je vais toujours m'en rappeler depuis que j'étais un enfant. Je lisais les GM dans la fin des années 80, début 90. Même début 90, plus les GM. Mais quand tu dis Electronic Entertainment Expo, ça mange quoi en hiver? C'est quoi? C'est une conférence? C'est une conférence, un peu comme tu peux avoir comme une conférence sur le chocolat à Bromont. Mais à Los Angeles, à chaque temps en temps, il y a une conférence sur les jeux vidéo. Techniquement, à la base, c'est plus... Il y a des conférences, mais c'est vraiment axé marketing. C'est axé marketing parce que dans le fond, c'est pour vendre, c'est un showcase de vente. C'est les créateurs de jeux, de consoles qui démontrent leurs nouveaux produits aux acheteurs de les grosses compagnies. Puis il y a là pour rencontrer, mais c'est aussi devenu un à côté où ce que les gens trippent sur les nouvelles. Il y a des fans, si on peut dire. C'est clair, le jeu vidéo, c'est l'industrie de divertissement la plus grosse à la planète en ce moment. Là, je veux dire, c'est sûr que ça va attirer de l'attention. Mais tout ça pour dire, ouais, j'ai eu bien des annonces de jeux, j'ai adoré. Je veux pas, on pourrait s'embarquer dessus sur tout un show, mais j'ai été bien content avec ce que j'ai vu. Moi, je suis très peu de jeux de course. Ok, fait que c'est des jeux de course qui t'ont marqué dans le fond. Moi, c'était Forza. Un jeu de course avec Forza. Puis est-ce que l'autre, Need for Speed qui était cool. Que j'ai vu. Need for Speed sur toutes les consoles. Le jeu Ubisoft, je pensais qu'il était juste le jeu Ubisoft qui est The Crew. Oui. Qui était intéressant. Ça a l'air que un des thèmes de cette année, c'était que à un moment donné, pendant un démo de jeu, la caméra elle sort, puis tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui sont en train de jouer ailleurs sur la même map. C'est vrai que c'est ça le trip, là, tu sais, t'es en train de jouer, mais là, oh, attendons, caméra à recul, t'as 12 amis qui jouent là-bas, t'as 15 amis qui jouent là-bas, puis tu te rends compte que c'est une grosse map, puis tout le monde sort ensemble. C'est un cool. Petit peu le concept next-gen, c'est pas juste les graphiques, c'est aussi l'interconnexion de tout, là, tu sais, t'as des grosses maps, un peu comme t'as vu dans Test Drive Unlimited, des affaires comme ça, mais okay. Beaucoup plus évolué. Mais Forza, moi, j'ai bien trippé parce que je trippe sur les simulateurs depuis Gran Turismo quand je kid, puis entre autres, le nouveau Gran Turismo m'intéresse aussi. Mais à part de ça, j'en ai tellement. Il n'y a pas le film de Division, le jeu de Division, c'était ouais, ça? Oui, oui. Est-ce quelqu'un qui a vu ça? Ou... Ben, j'ai vu vidéo du jeu, je savais pas qu'il y avait un film. Ben, pour moi, c'est de ville pétée, à chaque année, ça a l'air cool. Chaque année, c'est drôle, hein, c'est Ubisoft qui m'ont eu mon moment wow, les deux derniers E3. Je dis ça de même, là, mais Watch Dogs l'année passée. Puis même encore cette année, Watch Dogs. C'est encore très impressionnant, mais Watch Dogs l'année passée m'a fait réaliser, oh shit, Next Gen s'en vient. Ouais. Quand j'ai vu The Division, par exemple, là, je me suis rendu compte, ok, ouais, on est vraiment Next Gen. Metal Gear, les nouveaux jeux de Bungie, le Titanfall, tout ça, ça monte aussi. Mais c'est des jeux-là qui avaient des quand petits détails. Jeu de Bungie, c'est-tu vraiment... Ouais, t'as Destiny qui est le jeu de Bungie. Bungie est la compagnie. Mais non, il n'y a pas de jeu. Mais ça serait bon, ça. Regarde. Ben, à la limite, mais le nouveau Mirror's Edge 2, qui est un jeu peu de parcours... Ouais, tu peux courir, tu vois, en première personne. Il y avait Earthworm Jim dans le temps. J'ai jamais joué un tableau de Bungie. Premier Mirror's Edge. Oui, c'est vrai, il y a ça quand même la cool. Mais ben, Mirror's Edge, tu vois, moi, ça a été ma révélation du E3. Il y a du monde qui fixe bien les affaires. J'ai toujours de la misère, moi, avec les first person. Mais ben, tu vois, lui, ce qui est différent quand même. Ben, c'est là. Ça. Parce que c'est du parcours. C'est ça. Puis t'es pas obligé. Dans le premier, t'es pas obligé de tirer les gens. C'est ça, je trouve que ça a l'air quand même mieux, mais. Moi, quand je vois pas mon personnage, on dirait que j'ai de la misère un peu. Mais lui, tu vas peut-être triper pour un autre des points. C'est que le premier Mirror's Edge, quand je jouais, là, c'est l'immersion. C'est quand t'arrives, pis tu sais, tu cours des fois d'un top d'un building à un autre. Puis t'arrives, tu sais, c'est en première personne. Fait quand tu vois dans le vide. Ouais, pour ça, ça doit être cool que ça soit en. Puis là, bon, il sort sur le PC. Puis pour les gens qui connaissent le concept de l'Oculus, c'est un genre de casque de réalité virtuelle ils ont parti avec un Kickstarter il y a pas longtemps. Puis il y a un gars, la première affaire qu'il a dit, c'est qu'il a vu Mirror's Edge 2 sort pour PC et console. Lui, c'est dit PC. Il dit, pour l'amour de Dieu, faites un support pour l'Oculus. Puis je peux-tu dire de quoi? Je suis pas le gars habituellement qui abaisse des choses. Ouais. Là. L'Oculus, il a l'air très cool, là. Mais tu vas jamais avoir qu'est-ce que tu cherches de Mirror's Edge avec Oculus. Là. Désolé, la technologie n'est pas là. Ben, à la limite, regarde-moi, même si je l'ai juste dans ma face puis que j'ai un sentiment d'immersion, ça serait le fun. En fait, excuse, j'étais un kid des années 90, comme qu'on l'est, j'ai été déçu. Ouais, c'est parce que tu jouais à Dactyl Chase à ronde à 15$ de 2 minutes. Pis... Hey, j'ai fait ça. Je passais mes journées là à jouer à ça. T'attends 4 heures en ligne là, pour faire chier. Peut-être Oculus va se rendre. Je suis pessimiste un peu parce que j'ai été déçu une fois. Tu sais, t'as été déçu une fois dans ta vie. Là. Oh, ouais. Il y avait des gros masques aussi. Si c'est abordable, tu peux l'avoir chez vous. Quand on payait 15$ pour 10 minutes là, dans le temps. Fait que si c'est abordable puis la machine, elle coûte genre 80-100$, puis que t'as le jeu là. Qui est quand même bien, que le jeu peut être cool, là, ben, gars, tu t'en sors bien avec ça, Oculus. Mais juste pour un dernier commentaire, c'est le dernier commentaire sur ça. C'est juste que je trouvais ça weird, puis les tripeux de jeux vidéo le savent. Mais on a commencé Microsoft avec Metal Gear, puis on a fini Sony avec Bungie. Ouais. C'est un petit peu un signe de où ce qu'on en est. Okay? Les temps changent. Hein? On s'en fout des consoles. Studios, là, ouais, on joue les jeux que vous voulez. Là. C'est ça qui est important. Puis on n'est pas en manque de jeux, les gars. Mais et les filles. Je suis un peu content que tu apportes avec ça parce que moi, je vais sonner peut-être un petit peu pessimiste avec mon point. Mais mon sujet était le E3 aussi cette semaine. Puis moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que ça a été différent pour moi cette année parce que c'est la première année où je ne suis pas professionnellement lié au E3. Donc, autrement dit, c'est que je me suis distancé un peu de ma vie professionnelle là-dedans, puis je le voyais en tant que gamer, puis en tant que tripeux, puis j'ai vu les jeux sortir, puis Mirror's Edge, j'ai levé peut-être 6 pieds au-dessus de ma chaise en criant Yes Sir, puis quand j'ai vu la bande-annonce de Watch Dogs, puis les concepts, puis les choses comme ça, malade. Juste le bout de Watch Dogs, où dans le jeu, dans le fond, on joue un genre de pirate informatique, puis on se promène, puis on contrôle l'environnement avec notre téléphone, puis il y a un point tel où, à un moment donné, dans le jeu, ils ont montré une fonctionnalité que j'ai trouvée tripante. C'est que tu joues à ton jeu avec ta manette dans ta console, puis tu demandes de l'aide à un moment donné sur Internet. Mais ton aide, c'est peut-être quelqu'un dans son salon qui a une tablette, iPad ou Android, peu importe, puis il interagit avec toi dans le jeu. J'ai te met justement des protections, downloadé et... l'application Watch Dogs de ça. Ah aujourd'hui. Oui? Et c'est déjà disponible? Il est disponible aujourd'hui. C'est Watch Dogs Live. Mais tu sais, tu vois sur les applications d'Ubisoft, puis t'as tout... Mais regarde, il y a beaucoup d'intégration comme ça. Ça m'a fait capoter. Ouais. Parce que justement, tu joues, puis là, mettons, hey, t'as besoin d'aide, puis là, t'as quelqu'un qui te voit jouer, puis il te voit courir dans la rue, mettons, puis il va désactiver les lumières. Il va faire pogner une lumière rouge pour qu'il y ait un accident de char ou une affaire comme ça. Puis ça m'a fait triper. Ce qui m'a fait moins triper, par exemple, c'est que personnellement, ça a été un bourbier, puis je trouve que j'ai parti le collectif, dans le fond, le podcast, pour qu'on fasse découvrir des choses aux gens, pour que le monde comprenne qu'être geek, c'est une belle culture, c'est une belle mentalité, que n'importe qui peut être geek, qu'on juge pas pour rien au monde. Tu peux être boutonneux, tu peux être un top modèle, tu peux être ce que tu veux. C'est le fun, tout le monde est rassemblé par des passions. Puis ce que j'ai vu cette année, par contre, puis moi, c'est venu me chercher un peu personnellement, mais je trouve qu'on est un peu à l'opposé de cette mentalité-là. C'est que là, il y a vraiment un débat social à propos des consoles. Si t'es Microsoft, ben t'es un cave. Puis si t'es Sony, ben t'es un cave pour Microsoft. Puis pourtant, les deux ont des concepts de jeux vidéo intéressants. Oui, il y a l'incertitude. Puis je pense que les gens ont peur du changement. On en parlait un peu avant d'entrer en onde. Mais le monde a peur un peu. Hey, l'usager, ça va devenir quoi? Est-ce que je vais acheter en ligne? Est-ce que je vais pouvoir louer mes jeux? Tout le temps connecté, tout le monde capote avec ça. Il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de rumeurs. Puis ce qui arrive présentement, c'est que les gens, je pense, ils ont peur de ce changement-là. Puis on dirait que les gens l'extériorisent, mais tout le monde se pogne. Puis je trouve ça plate parce qu'on est supposé être une communauté, justement, un peu les rejets de l'école. Je trouve ça plate qu'on soit rendu à un point tel où il y a une division sociale. T'es un Sony, ben t'es pas correct, puis j'ai un problème avec toi. Puis c'est rendu super pesant. Au lieu de faire, hey, regarde, il y a plein de bons jeux qui s'en viennent, on va triper, on va pouvoir jouer un paquet d'affaires. Oui, c'est ça, je me dis, waouh, plein de nouvelles belles technologies. Puis le monde font juste dire, moi, je m'en fous d'avoir des petites affaires de plus sur ma TV quand je l'écoute. C'est comme, pas moi, oui, j'en veux plus de petites niaiseries. Mais OK, c'est pas la même raison pourquoi je jetterais de quoi de même. Mais tu sais, je vois juste ça comme des belles opportunités de nouvelles technologies qui arrivent. Puis le monde, il bitch tout souvent, puis des deux bords, puis... Ben, c'est ça qui arrive, puis ce qui est plate là-dedans, c'est que, tu sais, c'est un pire débat que l'avortement, ça, sur les réseaux sociaux. Non, mais pour là, des gens, on dirait qu'il y a juste comme c'est plus important, je sais pas sérieux, si c'est là, libérer, il y a du monde, ils parlent de l'avortement, de politique, de hockey, ils ont le goût de se tuer, mais des jeux vidéo, c'est... Pendant les E3, là, à 3 ans, là... C'est le pire, je pense. Honnêtement, je pense que c'est le pire, parce que j'ai vécu 3 lancements de consoles à date. Puis ça a pas c'est devenu de plus en plus virulux, je l'ai vu, du côté intense, de l'Internet. Là. Exactement. Non, tu lui donnes un show de 3 heures, l'Internet se développe. Mais là, je me ferme la trappe. Pense-y 2 secondes, là, il y a 7 ans, quand les autres consoles ils sont sorties. Là, ça commençait. Ouais, mais l'Internet n'était pas aussi fort. Facebook n'était pas aussi fort pour avoir plein de monde qui dit tout de suite « Hey, fuck you, Microsoft », ou quelque chose de même. T'es comme « OK ». Ouais, puis t'as pas vu de vidéo live non plus il y a 7 ans sur l'Internet parce que t'avais pas une assez bonne connexion. Fait que tu l'écoutais soit à TV où tu attendais un article qui sortait, puis là, c'était l'interprétation de l'article. Ben, je pense que c'était quasiment mieux comme ça, parce que on est tout le monde a sa tribune sociale. Là, c'est garde, live, là, c'est je suivais mon Facebook, puis la conférence, là, puis genre, je viens juste d'avoir un flash, admettons que Mega Man va être dans Mario Brawl, là, le Super Smash Brawl, là, ou de quoi. Ben, je check mon Facebook bien vite en même temps, comme, et tabarouette, il y a quelqu'un qui a déjà comme posté un article sur le fait que Mega Man va être dans le jeu, t'es comme... Non, ouais. Non, c'était rapide, là. Excellent. Mais regarde, moi, ça conclut un peu mon opinion à propos du E3. J'ai trippé, il y a des beaux jeux, mais je suis déçu un peu, puis j'espère que le monde va arrêter de commencer à... J'ai même pas commencé. À chialer, là. Ben, c'est un peu ça, moi, t'sais. C'était ça, je le parlais un peu. Ben, vas-y, là, ouais, moi, c'est pas stagé en passant. Ceux qui me connaissent, je suis pas. J'aime jouer, mais je suis pas un gamer hardcore non plus. Fait que moi, le 3. Toi, tu joues au baseball, c'est ouais, PS3. Moi, je joue au baseball. T'sais. Puis moi, tout ce qui m'intéressait, c'est le nouveau jeu de baseball. Puis je n'ai pas entendu parler. J'ai vu des images de PS4 qui montrent le jeu. Moi, j'ai suivi le E3, bien malgré moi, sur Facebook, parce que le monde ne parlait que de ça. Fait que t'as eu une belle expérience. Puis, de j'ai fait l'erreur de commenter, fait que là, je recevais des notifications, ça avait plus de bon sens. Puis tu connais tellement ça pour là, dire... ça avait pas de bon sens, là. Ça avait pas de bon sens, là. Le monde, ils prennent ça personnel, comme si Microsoft leur devait tout. Puis là, c'est comme, pourquoi tu m'as fait ça, Microsoft? Je m'en vais avec PlayStation. C'est comme, fine, vas-y PlayStation, mais revenez-en, là. Il y a deux consoles qui sortent. Achète celle que tu veux. Le 3, mais il est là en plus. Ben, amusez-vous. Sorti. Mais là, on dirait que c'était vraiment juste du bashing. Oui. Il y avait plus de bashing contre Microsoft que du... Moi, PlayStation 4, je trouve qu'elle a l'air cool. Le monde, c'est vrai, vraiment... Ils voulaient juste caler Microsoft. Le monde qui aime puis la moi, PlayStation comme, bash moi, à la place ça, de moi, mais l'affaire là, de Online C puis les jeux âgés, c'est comme moi, j'étais perdu dans cette histoire-là. Mais tout ce que je voyais, c'était plus de monde... comme chier sur Microsoft que des lovers, des PlayStation ça lovers. Ça sortait le négatif plus que le positif. C'est mais ça. Moi, je me demande, dans le monde de la bière, là, mettons, les fans de microbrasserie puis la BAT, la Coors Light, puis les affaires de la même, souvent, on voit ça dans les parties. Oh, tu bois de la Coors, puis y a-t-il une rivalité comme ça qui existe? Ou... Oui. Oui? OK, ah. Ben ouvert. Puis... Entre les macro-brasseries, donc la BAT, Molson, et les micro-brasseries, si je me trompe pas, Boréal est encore sous le niveau de la microbrasserie. Oui, il y a une espèce de guerre. Les gens vont défendre l'une puis vont défendre l'autre. Mais ça dépend pour qui. Là. Il y a des gens... C'est le même débat que ben, vous parliez. Il y a des die-hard fans de tout. Fait que il doit y avoir des gars que c'est comme moi, je bois juste ta bière-là parce que je jure que par cette sorte-là... Mais d'un party, il me semble, tu vas-tu ramasser le gars en face de toi parce qu'il boit une course? Quand tout le monde boit une bière puis tout le monde a du fun? Un petit clin d'œil humoristique au fait qu'il boit du sirop de maïs. Je n'ai souvent entendu des jokes non, de ouais, tu bois de la pisse ou tu bois quelque chose dans des parties. Tu bois de la Molson X. C'est peut-être en joke, mais il y a quand même du monde qui... C'est une petite rivalité. Qui porte des petits jugements quand même avec la bière que tu bois. C'est des genres d'experts là, qui se considèrent des experts et non des vrais là, qui sont juste « moi j'ai une bière mieux que toi ». Parlant d'experts, notre expert résident en médias sociaux, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine, Milton? Moi, ben j'ai écouté le 3, mais j'en parle pas. Là. Je m'en fous un peu. Là. La seule affaire que je peux dire, c'est que j'ai vraiment hâte à Dead Rising 3, que je m'attendais pas, puis j'ai vu ça, puis je capote, parce que fan de zombies, puis... c'est ma série de jeux préférée, fait que j'ai trippé. Mais sinon, parlant du jeu de zombie, j'ai acheté sur le Xbox exclusif, malheureusement, pour l'instant, il va être sur PC. C'est State of Decay, oui. Qui est très bon. C'est un genre de sandbox, Grand Theft Auto, DayZ même, à la limite, mais j'ai avec des missions. T'sais. Il y a un côté survival, tu ramasses de la bouffe, des sacs de bouffe, des affaires même que tu amènes à ta maison, mais contrairement à DC, justement, t'as une maison, des survivants, il y a comme un outpost là, de maison que tu te fais, tu sais, une place safe, puis tu ramènes de la bouffe là pour nourrir ta gang, puis tout le monde fait des missions, puis... Ça se détaille combien, ça, Milton? Il est 1600 points, Microsoft, fait que c'est environ 20$, je te dis. Pour le commun des mortels, tu payes 20$, puis t'as un jeu de zombies. Ouais, puis il est cool, là, j'ai peut-être 10 heures mis dessus, puis j'ai même pas fini, là, puis... C'est sûr, tu peux le rusher là, si tu veux le jeu, là, mais moi je m'amuse juste à aller tuer. Ben, je pense que c'est un paradis. Toutes les maisons, puis c'est vraiment le fun pour ça, je trouve. Là. Je fais du gros scavenging. Pis, ben, c'est ça, c'est un paradis un peu pour l'obsessif compulsif. Moi j'ai commencé à jouer à ça, puis je suis stressé, pas à cause des zombies qui m'attaquent, mais c'est parce qu'à toi, 30 secondes, t'as quelqu'un sur ta radio qui dit « Va aider telle personne, dépêche-toi, va trouver de la bouffe, fais telle affaire. » Mais ça, c'est personnes-là, t'as-tu remarqué que ces personnes-là, c'est des personnages, parce que tu peux switcher de personnage dans ta maison, si on peut dire. Okay. T'as une couple de personnes, parce qu'il y en a qui sont fatigués, fait que tu prends comme l'autre pour renouveler de la fatigue, des petites stats de même, de survival un peu. Ben... Des fois, c'est tu t'es comme crème, yo, mon personnage que j'aime bien prendre là, tout le temps. Là, parce qu'il est parti. Dans là, tu checkes tes missions, puis là, si il est parti faire une mission tout seul que pour le fun, genre, mais c'est lui qui. Il y a quelqu'un qui t'appelle pour dire, hey, lui, il est pogné là-bas. Fait que toi, il faut une de tes missions avec le personnage que t'as pris Nowhere, c'est d'aller aider l'autre à revenir, à barricader une maison. Tu sais, il y a des petites. Mis à part le fan de zombie, qui va aimer jouer à State of Decay? Ça aide beaucoup d'être un fan de zombies, là, okay. Je te dirais, parce que c'est pas tout le monde qui va triper sur ce genre de jeu-là. Okay. Faut que t'aimes vraiment le style sandbox, free, que tu peux partir où tu veux quasiment au début. Là. Tu sais, je te dirais, là, c'est sûr que tes missions sont un peu groupées vers certaines régions là, au début, là, mais en général, tu peux faire ce que tu veux pas mal. Fait que faut que t'aimes ce genre de jeu-là. Là. Si t'es un fan de, je vais dire, Assassin's Creed ou Last of Us, tu sais, qui sort demain, en fait. Au PlayStation, c'est le genre de jeu qui est cool, mais tu le sais en regardant la vidéo que c'est linéaire, comme Tomb Raider dans un sens. Il n'y a pas 100 000 façons de passer le tableau. Ouais. Faut que tu passes par une telle place, puis tu sautes par-dessus tel trou, puis que tu t'as le gars, tu sais, ou quelque chose de même, là, tu sais. Fait que... Faut que t'aimes le genre de jeu libre, là, puis toi qui décides qu'est-ce que tu fais. Là. Fait qu'en terminant, Milter, si t'aurais résumé State of Decay en une petite phrase rapide... le vrai zombie survival, là, tu sais. OK. C'est pas du Dead Rising, c'est pas du Resident Evil, c'est pas Left 4 Dead ou de quoi, là. Faut vraiment scavenge, là. Fait que survival, il est bien placé dans ce cas de jeu-là, là. Fait que t'as un Xbox, t'aimes les zombies, t'aimes les jeux à type carte ouverte, te promener, aller fouiller pour trouver des gadgets. Si t'aimes les zombies, les films de zombies classiques, c'est un must absolument. C'est excellent. Cool. C'est bon. Il va sortir sur PC, tu dis? Ouais, il est supposé. Je sais pas s'il est déjà sorti, mais je sais qu'il sort sur PC. C'est puis bien. Qu'est-ce qui est cool que j'ai vu, c'est que ces gars-là qui ont fait ça, c'est des gars qui trippent faire des... Il y a un gars qui est comme un spécialiste expert master de MMO, genre. Je sais plus son nom, puis c'est Undead Labs là, qui le fait. Là. Ah, puis c'est pas Class 4, je pense, leur projet qu'ils sont en train de faire. Oui, mais c'est ça, ils sont en train de faire ça. Puis c'est le début. State of Decay, c'était comme un test, si on peut dire, pour voir s'il y a de l'intérêt. Mais ils veulent faire ce jeu-là encore plus complexe, online MMO. Fait que dans le fond, ta gang à la maison qui survive, ben ça va être un genre de guild, là, tu sais, toi puis tes amis, ça va être du vrai monde et non toi qui switch entre 40 characters. Fait que peut-être tu vas en contrôler plusieurs, je sais pas rendu là comment ils vont faire ça, là, mais... Fait que de la pratique. Ça va devenir un MMO, puis ça va être cool, là. Excellent. Ben, merci d'avoir partagé ça avec nous, puis on va inviter les gens à aller se le retrouver sur Xbox Live. Allez jouer à ça, ouais. 1600 points, State of Decay, qui est sorti la semaine passée. Semaine passée, là, 20 quelques... Non, pas 20, en tout cas, début juin, là. Excellent. Samedi. Monsieur Olivier? Bon, rebonsoir. Rebonsoir, ouais. Tu t'es pas trop. T'as pas trouvé le temps trop long, pardon. T'as-tu une actualité, là? Ben, non. Oui et non. On va parler de bière. La bière, c'est d'actualité. C'est le passé et l'avenir. C'est tout le temps ton actualité, dans le fond. Non, je suis pas très jeu vidéo, mais c'est intéressant de voir un peu l'actualité. Je suis. J'ai eu une mise à jour malgré moi. OK. Malgré toi, ben j'espère que c'est enrichissant un peu au moins. Ben, certainement. Excellent. Olivier, dans le fond, toi, tu viens de chez le biérologue, donc le biérologue, situé au 4301 Ontario Est, entre Viau et Pineff. Ben oui, on t'a vis-à-vis du Stade Olympique sur Ontario, à côté du marché Maisonneuve. Puis vous autres, dans le fond, là, ça fait environ 8 mois que vous êtes ouvert. Tout à fait. Le biérologue, c'est quoi exactement pour les gens qui nous écoutent? C'est un magasin spécialisé en bière québécoise. Donc, en bière de microbrasserie québécoise. OK. Vous avez combien de variétés environ dans le magasin? En ce moment, on a plus de 225 sortes de bières. Depuis l'ouverture, on a un bon 500 sortes de bières qui a passé. On a quand même un bon roulement. Et l'approche nord-américaine au niveau des microbrasseries, c'est de sortir beaucoup de nouveautés et des brassins limités. Okay. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de sortes de bières qui passent. Côté collection, un peu aussi pour le fan, si on peut dire. Ouais, ben le consommateur européen va être plus porté à acheter une marque, alors que le consommateur nord-américain est plus porté à acheter une nouveauté. Puis, j'imagine que tu dis des éditions limitées, ça doit faire des gens tristes. Ça. Je viens de découvrir une saveur, j'adore vraiment la bière, puis là, whoop, à un moment donné, on n'est plus en saison, puis. Parle-moi-en pas. OK. Ben oui, il y a des bières qui sont dans mon top des bières de l'année qui ont passé en un claquement de doigts. Puis là, toi, t'es sur le front. Donc, autrement dit, on a eu une petite discussion en ronde tantôt. Geek de bière ou bien passionné de bière, je m'en allais utiliser un terme que tu m'as avoué qui était peut-être tabou. On s'en allait parler de spécialiste. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un peu ce que tu m'as expliqué tantôt dans le fond, ouais. Là, pourquoi pas spécialiste, pourquoi c'est un peu tabou, ça a trait à quoi exactement? Expert aussi. Expert, spécialiste, sommelier en bière, biérologue, ça revient tout au même, ça veut dire qu'on est au sommet des connaissances de bière. Okay. Ça vient avec la reconnaissance des pairs, comme je vous mentionnais tout à l'heure avant l'émission, il y en a 3 ou 4 au Québec qui ont le titre. C'est des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont dans le milieu, qui s'impliquent, qui font des conférences, qui organisent des festivals, qui ont écrit des livres, qui ont fait des voyages, qui ont rencontré plein de brasseurs, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert avec le temps, la reconnaissance des pairs. Ça fait-tu de la bière, ce monde-là? Ou ça fait juste à connaître puis goûter? Ou ça en fabrique? Si, il y en a qui vont fabriquer de la bière en partenariat de temps en temps, mais ça n'a aucun rapport une avec le une édition limitée justement avec la personne, si on peut dire. Ben évidemment, ça sera pas ça va être un brassin, un seul brassin, donc c'est limité ouais. En effet. Mais c'est un titre qui s'acquiert avec le temps à force de s'impliquer, puis qui on a une reconnaissance de nos pairs. Comme je vous le mentionnais aussi, il y a un nouveau programme aux États-Unis, il y a un programme qui existe en Allemagne depuis un bout de temps. Il y a un premier programme anglophone, donc accessible pour nous. Depuis l'année passée. Et on a Patrice Schoen, la microbrasserie, la ferme brasserie Schoen, qui a été diplômée l'année passée et qui est d'ailleurs sortie premier classe. Donc, tu dis une ferme brasserie, c'est quoi? C'est, il fait pousser ses propres ingrédients à ce moment-là? Le plus possible, oui. C'est sûr que c'est pas toujours évident, mais oui. Puis c'est au Québec, ça, là? Oui, c'est pas la seule. OK. Mais quand vous dites spécialisé en bière de microbrasserie du Québec, c'est-tu parce que c'est juste ça que vous avez ou majoritairement ça? C'est juste ça. Juste ça, OK. Fait qu'il n'y a aucune bière européenne ou allemande. Vous c'est uniquement Québec. That's it. Oui, ça m'amène à parler d'un point important. La raison peut-être pour laquelle on est dans le top 5 des pays émergents au niveau de la bière au monde, c'est parce que... D'ailleurs, le top 5, avant que je continue, c'est États-Unis. Belgique parce qu'ils font des styles américains puis ils innovent. Okay. Et ensuite, on a Danemark, Italie, Québec. Wow! L'Italie, je suis surpris, ça, par exemple. L'Italie, c'est comme ici. Là. C'est plein de petites microbrasseries qui font des bonnes bières, plein de petits magasins spécialisés qui les vendent. Éric? C'est parce que tu as dit top 5. Top 5 pays, en plus, le Québec, c'est pas un c'est pays. C'est ça, c'était... Ah. Le Québec, top 5 nations. Là, wow. Toi, je viens de voir ce que tu viens de faire, puis on n'embarque pas là-dedans, okay. Ce podcast-là. De un, la raison pourquoi je demandais ça, c'est à cause de top 5, mais ça finit 6e dans non, les... non, il était 5e. États-Unis, Belgique, Danemark, Italie, Québec. Ah, okay, tu n'as inventé un autre dans ta tête de plus, puis ça. Oui. le haut puis le bas Canada. Ouais. On est dans le bas Canada. Donc là, t'expliquais, on est dans le top 5, donc c'est pour ça qu'on... Oui, ben c'est ça, on est toi, tu me demandais si on vendait seulement les bières du Québec. En fait, oui, les règles mises en vigueur par la SAQ, par le gouvernement, font en sorte que c'est super difficile d'obtenir une bière importée. Nous, on peut pas vendre de bière importée. La SAQ, les gens, quand ils veulent avoir une bière importée, doivent passer par la SAQ, doivent se regrouper ensemble pour pouvoir en commander suffisamment. Si la SAQ décide qu'ils veulent pas la commander, ben ils peuvent pas l'avoir. Et non seulement on doit payer une douane à la SAQ, mais en plus, ils ont le droit de veto à savoir s'ils la commandent ou pas. Aussi, j'imagine. Donc, attends un peu. Là. Ça veut-tu dire que la Heineken, la Newcastle puis les affaires comme ça, c'est pas des bières importées, ça? Très bonne question, André. Ce sont des bières importées, mais par les macro-brasseries. C'est des bières importées par Molson Labatt qui, eux, ont le droit de faire leur propre importation. C'est eux qui signent la licence de distribution, si on peut dire, dans le fond. Ouais, ils ont des gros volumes. Alors, étant donné qu'ils vont faire venir des gros volumes de façon régulière, ils ont le droit de faire importer des bières de ce style-là. OK. Alors, puis en plus, la SAQ, eux-mêmes, dans leur magasin, vont limiter les bières importées. Ils vont nous empêcher de vendre du vin québécois en haut de 7%. Donc, en quelque part, je ne sais pas si c'est voulu, mais tout est mis en place pour laisser la place aux producteurs québécois. C'est peut-être une des raisons pour laquelle on est top 5. Ben regarde, c'est génial quand même de pouvoir laisser la place à des gens qui sont passionnés. Puis je pense qu'on a, une bonne culture autour de ça aussi. Là. En effet. Excellent. Donc, si tu avais à nous faire un petit topo, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire dans le fond... C'est que tu nous as préparé une dégustation, toi. Tu es arrivé avec des produits, tu nous as préparé un peu. Tu vas nous faire connaître la bière moderne. La bière, comme j'expliquais, c'est le passé, le présent, le futur, entre autres. C'est-à-dire qu'il y a une grosse culture, il y a un gros passé de tradition de brassicole, tradition brassicole, si on veut, qui est surtout européenne. OK. Nous, comme j'expliquais hors émission, on fait des copies de style au Québec et on en fait des très bonnes. On fait, par exemple, des bières belges meilleures que certaines bières belges. OK. Donc, on fait des copies de style et j'ai quelques copies de style et aussi, évidemment, je vous ai apporté des styles modernes, oui, que vous allez découvrir surtout vers la fin de la dégustation. J'espère que vous êtes excités. Oui, vraiment, honnêtement. Ouais. Ben, quand on parle de bière, direct en partant, ouais. Je pense que... On aime tout ça. En autant qu'il n'y a pas de bière aux pinottes, moi je suis correct. Éric, oui. Tu lèves la main ce soir, c'est intéressant. Ben, c'est parce que je veux bien faire. Tu dis les copies de style puis européens. Parenthèse, peut-être c'est une grosse question, mais la Chine fait de la bière depuis longtemps aussi, je pense. Ils ont des styles de bière, eux autres. Ouais. C'est où ce qu'eux, ils ont... Où ça, c'est on... La Chine, je t'avouerais que je connais pas beaucoup la culture brassicole chinoise. Et d'ailleurs, ça répond peut-être à la question. C'est que c'est pas très connu. La raison, c'est qu'ils ont pas excellé comme... faut dire que les trois pays majeurs là, qui ont influencé la bière moderne, c'est la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre. C'est eux qui ont pratiquement inventé tous les styles. En Chine, on brasse des pilsners à partir de riz. C'est comme au Mexique ou en Amérique latine, où on brasse seulement des petites pilsners légères, un peu faites avec des ingrédients du maïs, c'est-à-dire au lieu de la bonne céréale, parce que les gens, ils veulent juste quelque chose de léger puis ça désaltérer. Moi, je m'en allais te poser la question, c'est si on a... Là, tu nous as parlé des trois grosses régions d'influence. C'est quoi la principale bière par région, mettons, si tu me dis, je sais pas, ça c'est une lager, ça c'est une... Il doit y avoir une sorte prédominante par région qui fait leur réputé. Leur maintenant ou avant? Ben, bonne question, ma gang, les deux. OK. Ben, regardez, rapidement, en Angleterre, ça a commencé avec le porter. Il était, quand il apprêtait la céréale, il était juste capable de la brûler. OK. Après ça, ils ont été capables de la caraméliser, de juste la faire à convection avec du charbon, c'est-à-dire de mettre des braises de charbon d'un bord, les grains de l'autre, fait qu'ils ont réussi à la brûler juste un peu. Là, ils ont commencé les PLL, des bières caramélisées, une espèce de bière rousse, si on veut. Et ensuite, ça fait seulement 200 ans, quand les techniques modernes de maltage ont commencé, ils ont réussi à faire sécher la céréale et la bière blonde est la plus récente dans l'histoire. Ouais. Et maintenant, en Angleterre, ben, c'est les tripeurs vont boire des pale ale en casque. Casque, c'est l'ancienne manière de servir une bière, pas de pétillant, température pièce. Wow. Les tripeurs vont boire des pale ale casque et je vous le dis, c'est délicieux. Okay. Mais en ce moment, en Angleterre, les gens boivent de la Heineken. OK. Puis, y a-t-il une raison pourquoi les gens ont décidé de cracher sur leur culture ou... Non, non, non. C'est du marketing dans les bars. C'est de marketing. Dit parce que James Bond en buvait dans le dernier film. Ça doit être ça. Non, c'est simplement du marketing. Dans certains vieux pubs où on sert encore la vieille L anglaise en casque, ça existe. Mais... C'est pour les touristes. ou plutôt les touristes aussi, les touristes de bière évidemment, mais ouais. les touristes réguliers vont se retrouver dans un bar, ils vont demander une bière, ils vont voir qu'il y a juste la Pilsner, puis c'est ça qu'ils vont boire. Il va falloir qu'une heure de camp, parce qu'ils connaissent ça. Ben c'est ça, mais moi tu me dis, tu sais, l'Angleterre, moi je me dis, il faut que je me trouve un pub, écouter une game de Manchester avec une pinte, puis découvrir leur saveur de bière, des choses tout comme ça, puis je suis surpris que tu m'apprennes, ben eux autres, c'est l'Heineken, let's go. Il y a une crise comme un peu en Allemagne, mais surtout en Allemagne, la bière, bon, il y a une loi depuis 500 ans qui empêche les gens de rajouter des épices ou quoi que ce soit, fait qu'ils font de la bière avec les quatre ingrédients de base. Et en Angleterre, une petite crise d'identité, toutes les bières commencent à se ressembler, tout ça. En Belgique, par contre, ça va bien. Là, on a une riche culture brassicole en Belgique. On brasse des bières toute la saison. Il y a des bières fermières, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on va déborder. Ben, en fait, il nous reste encore une heure facilement, ouais. Donc tu peux te permettre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Allemagne et en Belgique, il y a beaucoup, beaucoup de styles de bières qui ont été développés parce que on n'avait pas le droit de on pouvait pas brasser de bière pendant l'été parce qu'il faisait trop chaud. Les bactéries allaient gâcher la bière. La levure doit fermenter à température pièce, c'est-à-dire 21-22 degrés, et dans ce temps-là, il n'y avait pas la sanité qu'on a aujourd'hui, et pendant l'été, avec pas d'air climatisé, rien, il ne pouvait pas, pas de refroidissement, il ne pouvait pas brasser l'été. Alors, il y a beaucoup de bières qui brassaient au mois de mars, à la fin de la saison de brassage, et là, qui faisaient exprès pour mettre un peu plus de sucre, puis les garder en cave pour que la levure continue à travailler pendant tout l'été, pour pouvoir boire pendant l'été ou à la fin de l'été avant de faire les nouvelles batches de bière avec les nouvelles récoltes. Alors, étant donné qu'on ne pouvait pas brasser pendant l'été, il y a plein de styles de bière qui ont été créés pour pallier à ce problème-là. OK. On a des saisons, par exemple, une bière fermière en Belgique qui est carrément une bière qui est faite avec tout ce qui restait des récoltes, là, les céréales qui restaient, l'avoine, le blé, l'orge, let's go. On met toutes les céréales ensemble, il restait du miel, des épices, on met tout ça ensemble. Un tout ce qui est de la bière. Un peu, oui. Et c'est délicieux, une saison. Comme je dis, c'est une bière fermière. Et les fermiers qui étaient aussi les employés de la brasserie l'hiver se brassaient ça pour se désaltérer dans les champs l'été, en travaillant. Et là, on s'entend, l'eau était contaminée dans ce temps-là. Sinon, il aurait bu un grand verre d'eau. Oh boy. Ouais, c'est ça, je me semble. Il était obligé de boire du vin ou de la bière. Même les enfants buvaient de la bière au souper. Ah, parce que boire de l'eau, ça avait trop de chances de mourir. En ayant trois enfants à maison, je te dirais que des fois, au souper, de la bière. Coupe de shooter, chaque enfant, ça ferait du bien parce qu'il va dormir pas longtemps après. Fait que si de la bière, ça fait ça, là. Si j'ai compris pourquoi. Moi, je me suis fait endormir au shooter de force. Je pense que la génération 70-80, ouais. Mettons, là, t'as mal aux dents, pas de trouble. T'as un pouce dans le scotch, puis let's go. Ouais, je l'ai entendu. Je pense que t'en as une coupe qui ont été élevées de même aussi. Là. Coupe de gouttes de rhum dans le biberon. Ben, ouais, ça me fait penser à quelque chose. D'ailleurs, côté langue française, je peux démystifier quelque chose peut-être tout de suite. Oui. Porter et stout sont masculins. Alors, on dit un porter et un stout, même si c'est une bière. Et parlant de ce que vous disiez et de porter, dans le dernier siècle au Québec, les femmes enceintes, pendant l'hiver, se buvaient un petit verre de porter pour aller chercher du fer. Il n'y avait pas de brocoli pendant l'hiver au début du dernier siècle. Là. Alors, pour aller chercher un peu de fer, même les femmes enceintes buvaient un petit porter à 4%. Wow! En fumant leur exporté. J'espère que non. Non, dans ce temps-là. Les gars, me permettez-vous de parler un peu, étant donné que ça a rapport avec ce que je disais, de l'Octoberfest. Et ensuite, j'irai avec peut-être ma petite introduction sur la bière. En fait, vas-y. Moi, j'aurais une question tantôt, par exemple. Tu peux la poser tout de suite, si tu veux. Ouais. Ben, je connais plus ou moins ça, mais tu parles d'épices. Tu dis faites avec des herbes puis des affaires de même, de la bière. Puis moi, j'étais un fan de plein d'autres affaires aussi, que pas juste la bière. Puis je me demandais s'il y avait certaines bières faites avec du pot, du chanvre ou quelque chose dans le style, ces épices-là. Ben, j'y en ai. C'est-tu légal, puis ça fait de quoi? Ah, t'en as? Ça fait partie de mon intro, mais je peux en parler tout de suite parce qu'il y a une crise en quelque part. Je me demandais ça. Mais le houblon est de la famille des Cannabaceae. Bon, okay. C'est latin. C'est-à-dire que son plus proche cousin est le pote. Du houblon. Le houblon est une cocotte végétale résineuse, pareil comme une cocotte de pote, de marijuana. Oui, il y a possibilité. En fait, c'est la seule alternative au houblon, c'est du chanvre. Il y avait le dieu du ciel qui est, selon Red Beer l'année passée, ben Red Beer, je vous le dis tout de suite, c'est un site très sondage là, où les gens passionnés de bière vont écrire leurs trucs. Mais, est-ce qu'il y a un forum avec des débats de genre telle bière est meilleure que l'autre, les gens s'engueulent ou... Plus ou moins, là, mais ça peut ressembler à ça. D'accord. Et elle a été nommée 12e meilleure brasserie au monde l'année passée selon ce site-là, wow. Dieu du ciel. Et eux, ils ont commencé leur carrière, si tu veux, avec la fumisterie qui était une bière au chanvre. Ouais, je m'en rappelle, j'ai déjà. Elle était délicieuse. Et là, j'ai demandé dernièrement comment ça, vous ne la faites plus. L'approvisionnement en chanvre est trop difficile. Le gouvernement va imposer tellement de lois sur la production, de restrictions sur la production de chanvre que c'est rendu quasiment impossible. Et dans la dernière année, j'en ai pas vu. C'est pour ça, mais ça me j'avais déjà entendu parler d'en voir, puis là, j'en voyais plus. La chanvre rouge, c'est très populaire. Oui. J'ai vu ça dans le temps. Fait qu'ils la gardent toutes pour eux autres, c'est ça que t'es en train de dire. Mais le chanvre ne contient pas... Le gouvernement garde toute la bière au chanvre. Théoriquement, le chanvre ne contient pas de THC, alors on peut faire des t-shirts, du papier avec ça, mais... Pas de la bière. Oui, de la bière, mais le fumer ne sert pas à grand-chose, alors je vois pas pourquoi ils le garderaient pour eux autres. C'est ça. Excellent, mais moi je parlais de garder de la bière avec. Donc, t'avais préparé une petite introduction, toi, là. Oui, ben si je voulais, je vais juste... c'est dans le même ordre d'idée qu'on parlait des styles qui sont développés et tout ça. Et là, on parle d'une de la plus grande fête au monde de bière qui a été développée justement à cause qu'on ne pouvait pas brasser de bière pendant l'été. L'Oktoberfest, le but dans le temps était de vider les barriques de Märzen. La Märzen ou / Oktoberfest et la bière qui était brassée à la fin mars avec le restant des récoltes, tout ça. Mm-hmm. Puis, c'était le dernier temps de l'année où on pouvait brasser au mois de mars. Là. Alors là, on brassait tout ce qui restait. On mettait ça dans les barriques et pendant l'été, on cultivait les trucs, tout ça. Et rendu à fin septembre, on avait les nouvelles récoltes et là, il fallait vider les barils. C'est Let's triste, go, ça. On fait un party. Alors, c'est de là que vient l'Oktoberfest. Donc oui, j'ai une petite intro. OK. L'Oktoberfest à Repentigny, par exemple. En septembre. L'Oktoberfest à Repentigny oui, est un hommage à l'Oktoberfest. Avant qu'il était voyons, c'est à Berlin, oui. Il était à Terrebonne avant, ça. C'est un gars, j'allais à l'école avec qui est l'organisateur de ça. Les gens ne rentrent pas à Repentigny. Oui, oui. Oh, lien en commun. Les saucisses, ils embarquent où là-dedans? Je m'excuse parce qu'il a dit Oktoberfest, faut que je pose la question. Ben c'est une grande tradition que de partager, que de d'accompagner. Partager tout, qu'est-ce qu'il y aurait. Puis ouais, ben d'accompagner une bière avec les saucisses bavaroises, avec la choucroute bien grillée. D'ailleurs, il y a beaucoup de sites internet qui expliquent comment bien apprêter la choucroute. Ça vaut la peine. C'est pas juste la sortir du pot préfaite puis la mettre dans l'assiette. Non, il faut l'égoutter. Et même, il y en a qui la font cuire deux heures avec de la bière blanche, une bière de blé, une Weizen. C'était que. Alors, écoutez, je voulais commencer mon introduction en disant que le monde de la bière, en fait, malgré tous les détails auxquels on a pu parler déjà jusqu'à maintenant, le monde de la bière, c'est simple. La bière, c'est d'abord avoir du plaisir, c'est d'abord le meilleur prétexte pour se rassembler entre amis puis avoir du fun. Oui. Ensuite, là, on a la levure, on a le houblon, le malt. Écoute, les levures, des fois, elles peuvent être épicées, fruitées, ça peut même sentir la gomme ballon. C'est tout un monde, là, on peut rentrer dans les complexités, tout ça. Mais c'est d'abord avoir du fun. C'est sans prétention, c'est vraiment le fun. Il y a personne, par exemple, au biérologue qui va juger un client parce que il a trouvé la bière était différente que il a trouvé la bière différente que moi, par exemple, ou que mon collègue David ou mon autre collègue Vincent. Parce que c'est une question de goût. En dégustation de bière, d'ailleurs, ce soir, les gars, on va faire une dégustation de bière. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est les chacun goûts. A son t'as pas plus les goûts que ça, là, carrément. Là, chacun fait sa propre appréciation. Puis chacun va... Je veux dire, la bière, ça se peut que ça me fasse penser à la banane. Mais toi, selon tes souvenirs olfactifs et gustatifs, ça se peut que ça te fasse penser à la mangue. Je donne un exemple comme ça, mettons que c'est fruité. Alors, il n'y a pas de bonne réponse. Chacun y va avec son passé et son background. C'est la même chose. Oh, c'est bien, on est bilingue. Excellent. Exactement. OK. Et Donc, puisqu'on va parler de puisqu'on va faire une dégustation de bière, je crois qu'il est de mise de parler des cinq goûts de base qu'il y a dans la bouche. OK. Je sais pas si vous êtes au courant. Je sais pas s'il y a ça dans les jeux vidéo. Ouais. Mais les cinq goûts qu'il y a dans la bouche, on parle du sucre, du sel, l'amertume, l'acidité et le cinquième qui vient du Japon, qui est le umami. Oh. Pardon? Umami. C'est dans ce temps-là qu'on s'ennuie de Mel. Ouais, parce qu'elle pourrait dire umami en ce moment pour nous autres. Avec une belle voix. Umami. Oui. Encore mieux. Ah, j'imagine. À la japonaise, une petite japonaise. Elle se mettrait un petit cri là-dedans ou quelque chose de même. Ah, ça serait merveilleux. Attends, c'est-tu dommage qu'elle soit pas là? Elle fera au montage. Donc, umami étant. Umami étant une espèce d'amalgame de tous les goûts qu'on va laisser de côté pour l'explication. C'est quand tu fais une face bâtard que t'es. La face bâtard, normalement, c'est l'acidité. Mais non, on va retrouver ça dans plusieurs choses, dont les algues et les tomates mûres. Donc, la bière aux tomates mûres? Non, non, le umami, okay. Le goût. Okay, c'est les d'accord. Cinq goûts primaires qu'on a en bouche. OK, excellent. Dans la bière, vous avez trois des cinq goûts primaires dans la bouche. Vous avez le sucre, l'acidité et l'amertume. Comparé au vin, par exemple, qui a le sucre et l'acidité, qui n'a pas l'amertume. Donc, dans des agencements mets-bière, il y a un petit peu plus de complexité que dans le vin, si vous voulez, au niveau des goûts. Par contre, le vin va souvent dominer la bouffe en bouche, alors que la bière va se faire dominer par la bouffe. Donc, les snobs de vin qui disent « la bière, c'est basic », finalement, il y a un goût de plus dans la bière. Oui. Donc, si on le prend individuellement... Attention à ce que tu dis, là, tu n'as pas commencé des gars. Non, mais c'est juste parce que c'est un cliché de... Non, mais comme j'ai mentionné, le vin, en tout cas, ça, je l'ai pas mentionné, mais il y a des tanins quasiment à l'infini, mm-hmm. Puis le vin va être plus puissant que la bouffe en bouche. Donc, je veux dire, les deux mondes sont très intéressants, mais très différents. Ben, c'est ça qui est le fun à savoir, parce qu'il y a toujours une préconception... bonne bouffe ou telle affaire, puis bière, on dirait, là, il commence à avoir une effervescence, les gens commencent à réaliser c'est pas rien qu'avec le vin qu'il y a de la bonne bouffe. Et j'aime bien l'emploi du mot effervescent. Ben écoute, on va essayer de plugger quelques petits mots. Mais on dirait que quand tu parles de jumeler de la bière avec de la bouffe, souvent des gens, ils vont comme tout de suite penser à Budweiser avec une tranche de Kraft ou quelque chose... Ou du Velvita pour les gens du Québec. Mais le c'est plate à dire, puis c'est pas pour partir aucune guide, aucune façon, mais l'univers du vin donne une image malheureusement peut-être plus prétentieuse et c'est plus snob. Exactement. Puis la bière, ils ont de l'air plus comme relax, cool, puis sans dire sur le party, plus chill, là, on va snobber ça un peu à soi. Ouais. Non, mais le monde en général, dans l'univers, là, comment ils sont, là, quand tu parles cliché du gars de vin, là, ça parle un peu pointillé. Puis, Ça peut un peu déborder dans ce sens-là, des fois. Ouais. Excellent. Donc, excuse-nous pour l'interruption ou notre débordement. Messieurs, quelques questions pour vous. Oh boy. Alors, pour commencer, d'après vous, quel est l'ingrédient premier de la bière? L'eau. Merci Eric, c'est pas tout le monde qui l'a. T'aurais pu nous laisser répondre qu'on aille l'air. Non, mais c'était pas une compétition, je pensais que c'était... Non, non, attends, c'est là qu'on est supposé dire le houblon, puis là tu nous percutes. Ben, souvent les gens, même des gens qui brassent de la bière, des gens qui vont penser, ah ben oui, c'est les céréales qu'on met le plus dans la bière. Moi, j'aurais dit quoi? Non, c'est l'eau, l'ingrédient premier de la bière. Ouais. Mais l'eau, c'est intéressant. J'imagine, tu sais, distiller, pas distiller, telle affaire. Ou... Non, distillation, jamais? C'est seulement à 40% et plus, normalement. Le vin, la bière, il n'y a aucune distillation. C'est simplement une fermentation. D'ailleurs, j'y suis prêt. Je vais vous expliquer légèrement le processus de fabrication de bière, puis on ouvre la première bière. Bon, ben, génial. Ensuite. Mais c'est quoi, j'ai gagné? Moi, j'ai eu la bonne réponse. Okay. Tu as eu la bonne réponse, tu as la reconnaissance de tes pères. Tu vas pouvoir te vanter que tu as eu une bonne réponse. Va pas trop loin, pousse pas trop, là, la reconnaissance. Et quel ingrédient? Là, j'en ai une bonne pour vous. Je l'ai inventé exprès pour vous autres, OK? Quel est l'ingrédient qu'on sent au niveau olfactif, là, qu'on va sentir le plus dans un fond de bouteille? Le lit. Le sucre. Le lit vient de où? Les résidus. C'est la même chose, c'est un synonyme, oui. Lit résidu. Ah, merde. Mais t'as la moitié de la réponse, c'est-à-dire que c'est la levure qu'on va sentir. D'accord. Ah, mais c'est qu'est-ce qu'on sent en Schlaga? Oui. Ça sent la levure. Ça sent la levure, mais c'est même pas une farce, là. C'est l'usine de Molson, ouais, ouais. Ça sent pas très bon, d'ailleurs. Mais à chaque temps en temps, t'es comme, ah, bière, Molson. C'est pour ça que t'as soif quand t'arrives chez vous. Ça, tu rentres dans le biérologue, puis les deux gars qui sont là, ils te regardent, ils roulent les yeux, Molson. petit fait intéressant, la bière n'a jamais été inventée. Elle a été découverte. Oh. C'était-tu comme dans le film Young Einstein? Où, c'est le gars qui avait oublié un bol de céréales au soleil, il s'est endormi, puis ça a... Il y a une légende à la bière, sûrement, comme le café. Ou la poutine. C'est... Écoute, je voulais pas en parler, mais oui, c'est pas mal ça. Au début, la bière était un bol de céréales qui a fermenté. Au début, la bière était un pain liquide. Ça doit faire à peu près 8000 ans que la bière existe. Puis au début, c'était simplement des céréales dans l'eau puis qui avaient eu une intervention divine. On a appris avec Pasteur que la levure est un organisme vivant plus tard, mais oui. Ça a commencé avec, pour utiliser ton expression, un bol de céréales. Bah bon, c'est ça. C'était mais y a-tu une légende attachée à ça? Mais... Ou... Parce que comme des... j'aime quand ça vient à des produits comme la bière, le café, le vin, t'as des légendes, mais I guess not. Alors, non, il n'y a pas de légende parce que les écrits historiques d'il y a 8000 ans sont difficiles à trouver puis à déchiffrer. Puis... Mais t'as dit la levure, c'est un organisme vivant? J'y arrive. OK, c'est ça. Non, je vais en parler direct là. Donc, vous avez, comme je mentionnais, le houblon est dans la famille du cannabis. C'est une cocotte végétale. Il y a un taux d'acidité très haut, acide alpha pour les tripeux. Et ça varie d'une sorte à l'autre. Les houblons sont créés aux États-Unis. Il y a des nouvelles variétés d'houblons, surtout aux États-Unis. D'ailleurs, le houblon états-unien est le plus populaire au monde en ce moment. J'ai apporté deux bières qui ont du houblon américain. On va en profiter parce qu'il y a une pénurie jusqu'en 2014. On est choyé ce soir. Tu dis qu'il n'y avait pas de Budweiser? Il n'y aurait plus de Bud. Budweiser, qui était une bière tchèque au départ. Le houblon a d'abord été utilisé pour ses vertus aseptisantes et conservatrices. C'est une madame Hildegarde en Belgique qui a découvert ça. Donc, le houblon était d'abord utilisé parce que c'était un agent de conservation et on a découvert par après que ça goûtait bon. Ensuite, rapidement, la bière est fabriquée un peu comme on fait du thé. C'est-à-dire qu'on fait une infusion de malt autour de 70 degrés Celsius, un peu comme un thé vert. On va retirer le malt, on va prendre ce qui reste, on va faire une autre infusion de houblon, mais en faisant bouillir. Ensuite, on refroidit, on met la levure, on laisse travailler. En gros, c'est comme ça que la bière est faite. Okay? La levure est un organisme vivant qui mange le maltose. Le maltose est le sucre qu'on va soutirer du malt. Le malt est la céréale qui a été semi-germée et grillée, brûlée ou séchée. C'est peut-être un peu technique. Mais c'est cool quand même. C'est vraiment cool. La levure, là, quand elle mange le sucre, là, ce que ça donne, là, c'est que son pipi, c'est l'alcool. Ses flatulences, c'est les petites bulles. Puis la lie, c'est ses selles. Et c'est délicieux. Dis-le même, je comprends tout. Dis-le même, je comprends, mais je suis plus sûr que... Ben... C'est bon. Oui. Je suis quand même prête à en goûter une. Je vous me permettez? Ben on te permet, c'est sûr et certain. Là, en ce moment, je me retiens. J'ai lu une couple d'articles sur la bio, biotechnologie de ces temps-ci, là, où ils commencent à créer des organismes qui chient de l'huile, qui chient de... Tu sais, c'est comme tu peux... En tout cas fait que là, dans le fond, on ouvre notre première bière après toute cette histoire-là. Celle-là, es-tu brûlée? Comment tu disais ça tantôt? C'est une céréale qui, à la base, cette bière-là, est supposée être caramélisée. Okay. La version qu'on a ici est plutôt blonde, donc plutôt une céréale séchée. C'est une bière d'inspiration allemande, qui est une Keller Beer, qui... T'as dit des verres? Ah non, c'est correct. Oui, c'est bien. Ah oui. Alors, slack tes shorts, pompon. Service. Alors, c'est ça va plutôt faire penser à une pilsner. Une pilsner, c'est une lager. Je vous explique tout de suite après ce qu'est une lager. C'est une des deux grandes catégories de bière. Une pilsner, c'est une lager, donc une bière plus désaltérante que la moyenne, mais avec du houblon, donc une petite amertume. Puis il y a un côté sèche. Il n'est pas supposé avoir de sucre. Quand on dit sèche, on parle de bière ou de vin, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre. OK, excellent. Donc, les lagers, c'est des fermentations basses, c'est-à-dire que la levure va travailler à 8-9 degrés. Ça prend un peu de réfrigération. Vous voyez ce que je voulais dire par la rétention de mousse? Parce qu'on a des verres en plastique pour les gens qui vont écouter ceci en podcast, balado-diffusion. Donc, t'expliquais qu'il y avait de la rétention de mousse avec les verres en plastique, c'est ça? Oui, ben c'est bien correct, ça va nous donner des beaux collets. Ah, excellent. Alors, les lagers représentent, côté commercial, la grosse majorité... du marché, avec les Heineken, Stella Artois, etc. Parce que c'est des bières plus faciles à boire, plus désaltérantes, Et pas mal ce qu'il y a de plus récent. Aux auditeurs qui nous suivent. Peut-être pas ce qu'il y a de plus récent, mais disons que la dernière céréale, le dernier malt, c'est le malt pour faire des bières blondes qui a été inventé. Okay. Alors, c'était le dernier gros buzz. Donc, la bière blonde, c'est le petit nouveau d'arriver. Ça a 200 ans, mais oui, c'est petit nouveau sur 8000 ans, oui. OK. 8000 ans de bière. Ouais. Wow. Hein? Fait que les gens mangeaient des céréales il y a 8000 ans. Le pain liquide qu'ils appelaient. OK, pardon. Donc, ça a l'air déguste, moins bon, même... par exemple, quand tu le dis de même. Alors, du pain liquide. Les lagers, c'est ça, comme côté commercial, c'est vraiment le plus populaire. Alors que les... par exemple, mais côté microbrasserie, je vais vous donner un exemple. Sur les 225 bières, sortes de bières qu'on a au biérologue, il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont des lagers. Le reste, c'est toutes des L. Wow. Alors, on commence avec une lager. C'est ce qu'il y a de plus désaltérant. Oh, j'aime la senteur. Oui, ben on sent le houblon. C'est ce qui est intéressant avec cette bière-là. Merci. Pour les amateurs de Pilsner. On peut-tu y goûter tout de suite? Oui, absolument. Oui, attendez, on fait un chin. Merci beaucoup quand même d'être avec nous ce soir. Notre première avec Olivier. Donc, merci de m'avoir invité. Merci. Cheers. Cheers. Cheers aux gens qui vont nous écouter éventuellement et aux gens qui nous écoutent ce soir. Ça rentre bien. Là, c'est... Ouais. Donc, bon, Eric, c'est bon ce que tu dis. Ça rentre dans la catégorie. J'aime bien catégoriser les bières en deux catégories autres que ale et lager, c'est-à-dire bière de soif et bière de dégustation. Ça, c'est une bière de soif. Et ça, c'est définitivement une bière de soif. Je ne sais pas si vous sentez l'amertume du houblon après, ouais, à l'arrière. C'est ça, je m'en allais dire. Ouais. Il y a surtout à la fin de la bouche. Là. Alors, c'est très, très houblonné pour une lager. L'assèchement en bouche que crée l'amertume, c'est très neutre comme goût. C'est pas comme boire du jus de raisin ou un mané, le sucre qui te tombe sur le cœur. Là, c'est très neutre. Après chaque gorgée, un petit assèchement en bouche, ça te dit « Oh, j'ai le goût d'en prendre une autre. » C'est une bière de hockey. C'est une bière de vraiment, c'est quoi qui fait alors, ça? Le houblon qui fait ça? C'est le houblon qui crée l'amertume, comme ça. Le houblon a deux côtés. Un côté amer, puis un côté aromatique. Là, le côté aromatique, on le sent pas beaucoup. Mais on dirait qu'il embarque en deux. T'en as un peu, mais ça embarque qu'après. Tu sais, quand tu le sens, là, justement, ça tapisse la gorge un peu, là, puis t'as l'arrière-goût un peu qui embarque. Là. On dirait que c'est là que t'as un arôme dedans. Oui. Oui. L'arôme est souvent en bouche, mais là, dans ce houblon-là, en effet, on a le côté quasiment ferreux, le côté du houblon, là, très amer. Puis il y a un petit côté aromatique. Je t'avouerais que moi, j'ai un peu de la misère à le déceler. Bref, les bières de soif, là, j'y vais de mon propre cru, là, c'est ma classification des bières. T'es là pour ça. Non, mais c'est les bières de soif. J'aime les ça, bières de soif, c'est un bon terme notes, pour ça, ouais. Vous allez avoir des notes qui s'effacent vite en bouche. Ouais. Donc, comme là, ça crée un assèchement. C'est pas des longues notes de caramel comme un scotch ale ou sirop d'érable là, ou des trucs comme ça. Ça me fait penser à des souvenirs de bières d'épluchettes de blédine de Balmol. C'est quoi on va dire, là? Mais... épluchettes de blédine de Balmol. Ouais. Tu sais, une ligue de Balmol qui font une épluchette de blédine, là, ouais. C'est le genre de bière, je trouve, qui. Ben, faut passer à 50 puis la Laurentienne, finalement. Si vous êtes mal pris, vous n'avez pas le temps de passer dans un dépanneur spécialisé comme le biérologue en bière de microbrasserie, puis vous voulez quand même une bonne Pilsner, vous pouvez toujours vous dépanner au dépanneur avec une importation allemande, par exemple de la Bitburger. Okay. Vous allez avoir quelque chose de très similaire, puis de délicieux, puis qui est fait sous les règles de l'Allemagne. Ça dépanne très bien. Celle qu'on boit présentement, s'intitule? La Killer Bière de Trois Mousquetaires. C'est des gars de Brossard qui brassent des très bonnes bières et qui sont d'ailleurs dans les... On t'a entendu dire qu'on boit une bière de la Rive-Sud? Oui, c'est exact, Eric. Ah, elle est bonne. C'est une joke, c'est une joke. Puis dans le meilleur choix qualité-prix, les Trois Mousquetaires sont pas mal dans mais le top. Je l'aime. Moi, ouais, je vraiment veux bonne. Dire... Non, elle est bonne. On commence là-dessus, j'en boirai deux, trois tout de suite. Ben, comme tu disais, le fait que le goût s'efface rapide, c'est une bonne bière pour débuter aussi. Ouais, c'est un petit fond. Oui, alors j'ai décidé de débuter avec cette bière-là parce que c'est elle qui est la plus désaltérante et la moins goûteuse. Super bon, honnêtement, non? Mais quand je dis épluchette de blé d'Inde de Balmol, c'est justement dans le sens l'ambiance que je me prépare à en boire plein de même. Pas bien cheap là, ou de quoi, là, mais vraiment le petites bières légères autour de plein de monde. Elle est disponible en 6, elle? En 4 packs. Vous remarquerez que la petite bouteille n'est pas 341 ml, mais 375. Ah, t'as bien raison. Hein? Ben, ouais. Alors, elle est plus petite, puis elle est plus de... Oui. Mais c'est son petit stub ici. Oui, tout à fait. Elle est disponible en 4 packs ou en format de 750 ml. OK. OK. Mm. Excellent. En canette ou en grosse bouteille de... Non, c'est tout en vitre. Ouais, tout en... Il y a la canette, c'est bon que tu en parles. En fait, la canette, c'est la nouvelle mode. Il y a beaucoup de microbrasseries qui vont se lancer en canette pour des raisons économiques, écologiques. Les bouteilles en canette aussi, les bouteilles en... Ouais, non, ça c'est plus passager. En tout cas, pas au Québec. C'est pas la mode au Québec. Mais il va y avoir la canette. Puis la canette, c'est le fun parce que c'est format pinte. On est habitué de boire une pinte. Ouais. Tu sais, une petite bouteille comme ça, là, regarde la preuve, là, 2-3 gorgées, c'est fini. Ouais. Surtout ici, tu vas voir, ça va arriver souvent 2-3 gorgées puis ça va être fini. Ah mais c'est bon. Génial ça. Ça ouvre le palais. Alors les gars, vous avez déjà terminé vos bières? Oui. Ben prenez votre temps. Je vais sortir l'autre bière tout de suite. Et l'autre bière, il y a quelque chose de spécial. On va se lancer de ce que certaines personnes, vous m'excuserez le terme, mais certaines personnes vont voir comme de la masturbation intellectuelle. Bon, on va faire une dégustation de chocolat noir et bière blanche. Mais c'est tellement mieux quand tu le prépares avant, tu te dis, garde, je l'avoue, c'est exactement ça qui va arriver. Alors, mais c'est super intéressant. On a un chocolat noir du Venezuela. La fève de cacao du Venezuela goûte différent que la fève de cacao d'un autre endroit, par exemple. Et là, on a un chocolat qui a un goût de petits fruits confits. Et ce goût-là va être bonifié par le blé dans la bière blanche qu'on a aujourd'hui. Alors, faut-tu prendre la gorgée pendant qu'on a le chocolat dans la bouche, tu sais? C'est oui? Exactement ça, je m'en allais dire. Mais pas exactement ça, mais non, je m'en allais expliquer que faut d'abord manger le chocolat. Idéalement. Okay. Et ensuite boire la bière. Alors, aussitôt que vous êtes prêts, je vous invite à prendre un morceau de chocolat. Je sais pas si André, tu peux faire tourner l'assiette. Bien sûr, bien sûr. Je vais ouvrir les bières blanches. Ouais, il y a pas de peanut dans le chocolat ou de noix. Non, dans c'est juste des petits fruits. Là, c'est pas du chocolat de la rive sud. Là. C'est vraiment Venezuela. Donc, c'est du Rochef chocolatier Rochef, de Gatineau. Un chocolat à 72% de cacao. Hey, on se fait gâter ce soir. Accord suggéré, bière blanche ou vin ou Porto. Des cheddars. Pas un verre de lait. My God. Un litre maintenant, ça va bien. En passant, pour les auditeurs, on s'excuse, il va y avoir certains bruits sur la table, mais c'est plus fort que nous, on est en dégustation. Alors, je donne une bouteille de suite à Nick qui peut la montrer sur Twitch aux auditeurs. Cascade-là. On va prendre des photos aussi pour les gens, on va les mettre sur la page Facebook. Puis on va mettre un résumé aussi des bières qu'on a dégustées ce soir par la suite. Alors là. Si j'avais mis déjà le chocolat dans ma bouche. J'ai même pas pris un morceau, hein. Je peux-tu. J'étais trop dedans. Je vous sers, puis. Il y en a en masse, c'est que vous pouvez répéter l'expérience. C'est beau, Milter, merci. Ok. Là, faut le manger maintenant, le chocolat? Ben, juste avant de prendre une gorgée. Mais c'est correct, après, vous prendrez un autre morceau juste avant j'avais de prendre une commencé, gorgée. Là, je l'ai enlevé. J'aimerais répéter la remarque de Milter que j'ai adoré, parce que tu disais les agencements. Puis Milter qui spécifie pas avec un verre de lait. Ben. Fallait qu'elle soit répétée. Parce que t'as pas le droit. En fait, manger ce chocolat-là. Avec un verre de lait, c'est un crime. Mais avec une pinte de bière, par exemple, là, ça, il n'y en a pas de problème. Mais tout va bien. Ça, c'est que c'est plus fort que moi, mais moi, je mangerais ça avec un verre de lait. Ben non, ben du chocolat. D'accord. Mais j'ai très hâte de goûter. Mais je veux que la police, André, vienne cogner à la porte. Y a-tu du lait ici avec du chocolat? Monsieur, vous devriez avoir honte! Mais ça n'a pas de sens pareil, tu sais. Je t'écoute parler et je me rends compte que, mis à part la boire, je connais pas grand-chose finalement de la bière, tu sais. Puis même la boire, là, tu sais, là, il y a du chocolat, des affaires de même, puis je me dis, je fais-tu même ça comme il faut? Ou, ouais, ouais, ouais. Attends, mais je l'ai mentionné, hein, il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de bonne réponse. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Ben c'est ça, puis je trouve qu'on dirait que c'est un peu moins intimidant, le concept de la bière comme ça, tu sais, excusez-moi, là, puis j'adore le vin en passant, mais tu sais, le phénomène... Pas moi. Mettons, là, tu te fais inviter à souper chez des amis, puis là, hey, on fait du poulet ce soir, puis là, t'arrives à SAQ, puis tu t'en vas voir le gars, puis tu te regardes avec le désespoir, puis tu dis, hey, moi, là, ils vont faire tel repas, trouve-moi le vin qui va avec. Je trouve que c'est libérateur un peu cette bière-là. C'est le fait, juste apprends ta boîte, let's go, c'est le fun. Pis, Moi, ma blonde, c'est une méga tripeuse de vin. Puis moi, je connais rien là-dedans, mais c'est moi qui est responsable d'aller y en acheter. Fait que le gars de la SOQ, il t'appelle par ton petit nom. Même pas, j'y vais à peu près au hasard à tous les fois. C'est vrai le pays. Non, mais ça fait combien d'années que t'es capable de t'en sauver, là? Ou... Ben ouais, non, la plupart du temps, ouais. Je prends les pastilles là, qu'elle aime, là. Ah, à peu près, je me fie à ça. Alors, je prends pas. Tu sais, elle me dit à peu près. J'ai vu les pastilles qu'elle aime avec le temps. Fait que, tu sais, il y a bien des fois, je m'ai planté au début, là. Master, j'y vais, je vois que telle couleur de pastille à SAQ. Je dis, ah, je vais choisir ça pour elle au hasard. Puis là, je dis, ah, j'ai mon budget 16$, mettons, ou de quoi, tu sais. Puis des fois, je l'ai, des fois, je l'ai pas. Je t'encourage quand même à expliquer les goûts de ta copine à un conseiller si jamais il y a le temps. Des fois, ils sont occupés, on fait notre choix par nous-mêmes, mais ils sont formés pour ça, ils sont super bons à la SAQ. Mais... Puis non, mais je t'invite à le faire. Si jamais tu as le temps, là, tu vas je le fasse des fois. Ta copine ne va que l'apprécier plus. Les gars, y a, à cause du blé dans la bière, il y a une bonne rétention de mousse. Ce qu'on peut faire, je vais commencer à parler des bières blanches. C'est assez costaud. Je vais essayer de faire ça vite. Les bières blanches, comme celle-là qu'on a, c'est une wheat beer. Une bière blanche est normalement typiquement belge. Ça, là, ça a été inventé par les moines au Moyen-Âge. Hey, ils avaient l'affaire, tous les moines. What? Parce que la bière était pas buvable. OK. La bière au Moyen-Âge, faut comprendre qu'il y avait pas... C'était fermenté à l'air libre, alors ça s'oxydait, il y avait plein de bactéries. C'était du mead. C'était aigre et acide, c'était pas buvable. Alors les Belges, eux autres, ils ont trouvé... Il y a des moines belges dans la ville de Louvain. Au début du 14e siècle, ils ont commencé à ajouter des trucs dans la bière pour l'adoucir. Et ceux qui étaient à Louvain, ils étaient près de ceux qui vendaient des épices. Ils faisaient partie de la même province que les Pays-Bas dans ce temps-là. Et ils avaient accès à du blé, à du curaçao. Wow. Puis des graines de coriandre. Du curaçao, c'est de la pleure d'orange séchée. Bleu. oui. Non. Mais, donc les bières comme ça, il y avait des trucs ajoutés pour enlever le goût aigre et pas buvable, la bière. Alors eux, ils l'adoucissaient comme ça. En 1950, ce style de bière-là avait pratiquement disparu du marché. Puis Pierre Sélis... Un monsieur, Pierre Sélis, un Belge, dans la ville de O'Garden, j'imagine que vous savez où je m'en vais, a décidé de repartir le style. Et il a parti la blanche de O'Garden, qui est populaire dans le monde entier aujourd'hui. Et ce qu'on boit aujourd'hui est une copie de style qui vient de Charlevoix, qui a remporté cette bière. La Dominus Vobiscum blanche qu'on s'apprête à déguster a gagné le titre de meilleure blanche au Canada 4 fois en 8 ans, dont il y a un mois. Puis le nom est un peu un hommage à ces moines-là, j'imagine. Oui, ben Dominus Vobiscum en latin veut dire que Dieu soit avec toi. Oh. Cette microbrasserie-là de Charlevoix font des copies de bières belges souvent meilleures que certaines bières belges eux-mêmes. Là. Ils sont vraiment... c'est une des meilleures au Québec de renommée internationale. Qu'on fait que ça, c'est supposé de goûter un peu la O'Garden, si on peut dire ça. C'est ça ou... Oui et non. Parce que moi, j'aime bien ça. On revient plus tard à ça, mais okay. Oui et non. Mais oui, c'est le même style inspiré que la O'Garden. De, ouais. Oui, tout à fait. Et oui... C'est, comme je vous dis, là, c'est la meilleure blanche au Canada selon les concours, selon le Canadian Brewery Award. Ça en bonne, en tout cas. Alors, vous pouvez le faire. Peux-tu goûter? Oui, si vous avez encore le chocolat dans la bouche, vous pouvez en reprendre. Il y en a d'autres chocolats. Gâtez-vous. Vous pouvez faire le test aussi souvent que vous voulez. Alors là, oui, on peut boire ça. Vous allez voir, il y a du blé. C'est une bière qui n'a pas d'amertume. Là. Il va y avoir beaucoup moins d'amertume léger, que dans l'eau. Oui, hein? C'est super léger, là. Wow. Ouais, un petit côté acide. C'est aussitôt qu'il me dit il n'y a pas d'amertume. Aussitôt que je le goûte. Je mange le chocolat avant. Là. Non, mais c'est parce que je bois que de la IPA, là, ça fait. Puis là, il me donne ça, je crée une gros claque. Tu donnes un verre de limonade. Ouais. Non, mais hey, wow, c'est super bon ça. C'est une bière. C'est une bière de. C'est une autre bière de soif. Merci. Hey, ouais, elle est bonne. Ben oui. J'essaie de figurer, c'est quoi. Il y a un petit goût fruité ou il y a de quoi que curaçao. C'est levure aussi. La levure va être légèrement fruitée, c'est-à-dire si vous sentez votre verre, vous allez sûrement réussir à percevoir de la banane mûre. Mmh. Il y a un petit côté épicé. il y a un petit côté acide, la levure. Ensuite, t'as la pleure d'orange séchée, le curaçao, qui a rajouté un côté agrumé. Êtes-vous capable de me dire ce qui cloche ou ce qui est différent? Ce qui est différent... Mais moi, qu'est-ce qui cloche, comme je te dis, c'est à cause que je bois de la IPA, ça fait trois mois, fait que... Mais attends, ce qui est différent selon ce que tu viens de nous expliquer? Ouais. Ou... Oh boy. Elle est tough, celle-là. En même temps, je vous ai pratiquement donné la réponse, mais bon. Mais là, t'as parlé de banane? En fait, il n'y a pas de coriandre dans celle-là. OK. Mais là, tu m'apprends, il y a de la coriandre dans la bière, habituellement? Dans la blanche. Dans la blanche, il y a de la coriandre. Dans la blanche. Les blanches de type beige et wheat beer. Parce qu'en français, on dit blanche pour une bière de blé. Mais blanche fait surtout référence au type belge. Alors que la, les, en anglais, on va dire wheat beer, donc bière de blé, pour expliquer au lieu... Genre de nom que j'aime. Alors, pour répondre à ta question que tu disais, ben cette blanche-là, la seule différence, c'est qu'elle n'a pas de coriandre par rapport au... aux autres blanches de type belge. Par rapport à la O Garden, bon, d'ailleurs. Elle rentre tellement bien. Là. Ben ça, là, c'est une bière là, de fin de journée, là, tu me semble. Tu viens d'avoir. C'est une bière de terrasse. Ça. C'est ça, exactement. Ouais. Là. Ah, wow. Oh, très bonne. Ah, moi, je l'aime bien. Ouais, là. Ouais, non, effectivement, c'est. Moi, je suis pas un fan de blanche. Est-ce que vous voulez. Oui. Ouais. Ouais, André, j'ai le temps. Fait qu'il va... En fait, je te dirais, on va boire un autre shot de celle-ci, puis on pourrait commencer à préparer la prochaine aussi également. Je vais faire tout ça en même temps. Étant donné la rétention de mousse, on a le temps. Perfect. Merci. C'est quoi que t'aimes pas de la blanche, Tony? Ben, peut-être tout ce qu'elle dit, c'est peut-être la coriandre, justement, ou la coriandre. Il n'y a pas de coriandre dans celle-là. Habituellement, dans les blanches, je savais pas qu'il y avait de la coriandre, mais moi, je déteste la coriandre. Okay. Celle-là, t'as trouvé comment? Merci. Là que t'apprends qu'il n'y a pas de coriandre. Non, mais. Tu sais, je trouve pas ça comme immonde à boire, mais c'est pas de la bière je vais m'acheter. Mais j'ai une question. C'est peut-être le goût. C'est comme un peu sucré. Pas ton premier choix. C'est peut-être trop doux. Peut-être. J'aime mieux justement le côté amer que le côté. Mais juste par ma propre curiosité, tu dis que t'aimais pas de la blanche, puis à cause de la coriandre. Non, mais je veux juste dire ça. Quand tu l'as goûté, quand tu as vu la blanche, t'es comme « j'aime pas ça », fait que t'étais prêt à prendre une gorgée. Quand tu l'as goûté, t'as-tu été un petit peu comme « ah, c'est pas qu'est-ce que je m'attendais » ou c'est un peu moins pire? Ben, je suis curieux de voir quel effet que la coriandre a là. Ben, tu sais, la O Garden, je l'avais déjà vu, puis je trouvais ça pas si mal, mais je sais pas, tout ce qui est blanche, j'en ai goûté beaucoup de blanche, puis c'est peut-être le côté justement plus doux. Mm-hmm. Je crois pas que c'est de la coriandre en tant que telle parce que je l'ai jamais vraiment goûté. Je savais même pas qu'il y avait ça dans la bière. Je viens de cliquer la blanche, comme tu dis, il y a des oranges dedans. Fait que c'est pour ça un petit peu quand tu commandes un pichet de blanche ou de boréale blanche, tu vas avoir l'orange dedans. Je savais pas, moi. Je suis content que tu parles de ça, Eric. Je m'en allais passer à côté de mon point. Je retourne la page, c'est super important. Oui, parce que en passant, Olivier, merci pour la préparation. Je pense que t'es un de nos invités qui t'as mis du temps dans ton stock, puis ça paraît que t'es passionné, puis je respecte vraiment ça. T'arrives préparé, puis c'est la moindre des choses, une dégustation de bière comme ça, c'est le fun avec l'information, puis tout ça. Mais puis d'ailleurs, c'est ça, je suis passionné, mais c'est quasiment une nécessité de partager on ça. On tripe, c'est passionné. C'est tout à ton honneur, regarde, écoute, tu représentes bien ta profession. Ben merci. Donc, Eric, c'est un super bon point. En fait, je disais que l'eau était contaminée. L'eau était contaminée, c'est pour ça qu'il buvait de la bière dans le temps. La bière était aigre et acide, n'était pas buvable. Il fallait qu'ils mettent des fruits et tout ça. Mais ça, c'est fini, ce temps-là. Il y a encore des gens, comme par exemple la Dominus Vobiscum Blanche, ici, qui a gagné le titre de 4 fois meilleure blanche au Canada en 8 ans. Il y a encore des bars qui servent avec une tranche d'orange et c'est une insulte à la bière. Parce que l'eau est pas... Parce que la bière est bonne comme ça, tu vas pas la gâcher avec un truc. Il y a 400 ans, 500 ans, ça se faisait très bien. Il fallait enlever le côté trop acide de la bière, alors on mettait des fruits dedans. Aujourd'hui, c'est un clin d'œil au passé, mais si ta bière est bonne, je veux dire, tu vas commander une blanche ordinaire d'une macro-brasserie, tu vas peut-être mettre un record de l'orange, puis on n'a pas entendu. Puis tu vas peut-être mettre de l'orange dedans pour... D'ailleurs, Rickards, ils en mettent assez d'orange dans leur recette, t'as pas besoin d'en rajouter. Puis, c'est très vrai. La Dominus Vobiscum, en tout cas, j'ai été choqué d'entendre parler qu'il y avait un bar de microbrasserie qui a servi avec une tranche d'orange. Tu fais pas ça à une bière blanche. Alors, conseil, faites comme moi si vous voulez dans les bars, une blanche sans agrumes, s'il vous plaît. Je vais faire ça de le dire la prochaine fois que je commande un pichet de blanche au Dunn's. Avec deux pailles. Deux pailles, pas d'agrumes. Donc, très bon point, Eric. Merci d'avoir apporté ça. On va aller tranquillement vers l'autre bière c'est vraiment quoi, ouais? Intéressant. J'aime l'étiquette de celle-là, en tout cas je le dis d'avance. Ah, qu'elle fait un beau bruit elle. Oui, on a une Annadel. Annadel. Alors messieurs, Nick, t'es comme la Vanna White de l'émission ce soir. Tu démontes les bières avec une allégresse incroyable. C'est courbe. L'Annadel. C'est le seul style de bière typiquement québécois. OK. Donc ça, c'est bien de chez nous, là. Ça vient de chez nous. Puis tu vas nous expliquer ça, j'espère. Oui. Alors, oui. C'est un style qui est encore en développement. Pour qu'un style soit reconnu, il faut que tout le monde l'accepte, puis tout le monde embarque. C'est un style qui est encore en développement, mais qui a été... André. Merci beaucoup. Qui a été annoncé à l'automne 2012. Ça fait pas un an encore. Ah, c'est tout nouveau, ça, là. C'est tout nouveau. Ouais, ça sent particulier, ça. Oui. Alors, je vous explique. L'Annadel, c'est... Il était gentil avec nous autres au début, là. Ah, c'est ça, là, il va se gâter, là. L'Annadel, en fait, Aneda, ça veut dire « arbre de la vie », ou qui désignait le sapin baumier par les Amérindiens. OK. Quand Jacques Cartier est arrivé au Québec... son équipage était atteint du scorbut. Et la boisson au sapin baumier des Amérindiens a guéri tout l'équipage. Je crois qu'il y en a juste un qui est décédé. Que ça l'a sauvé l'équipage de Jacques Cartier. Ça fait partie de l'histoire profonde du Québec. Donc, c'est une bière aromatisée au sapin baumier. Annadel, pour une L. Mais maintenant que tu en parles... C'est là que c'est apparent dans l'arôme. Ensuite, mais c'est pas terminé. Il y a du café, hein? Ensuite, je ne crois pas, mais la céréale est assez grillée. Alors, okay. Ça se peut que tu perçoives l'amertume du grain grillé. C'est vrai que ça sent un peu. D'ailleurs, les gars, il existe trois sortes d'amertume. Okay. L'amertume du grain grillé, comme dans le café. Oui. L'amertume du grain grillé, comme dans le café. L'amertume végétale, comme dans le houblon. Et l'amertume, si vous voulez, de moisissure, comme dans les champignons. Oh. Oh. Alors, la bière phonée. J'ai jamais vu une bière avec l'amertume des champignons, mais... Oh, mais absolument... elle doit être bonne. C'est la bière des sorcières que tu parlais de ça. Alors, l'Annadel, ouais, elle est faite avec une céréale assez caramélisée, merci, du sapin baumier, et ils sont allés chercher une souche de levure dans l'ancienne brasserie Jean Talon, qui a été la première brasserie au Québec qu'il y a eu. Donc, c'est une bière vraiment typiquement québécois avec les ingrédients. Time out. Molson nous ment. Non, Jean Talon était là avant John Molson. Ah, intéressant. Oh boy, take that, John Molson. Dans tes dents. On peut-tu y goûter? Attends, moi je veux savoir le restant de l'histoire. L'histoire se termine pas mal là. Ben, je veux juste décrire un peu la bière. C'est une bière qui va être un peu épicée. Elle est quand même faible en alcool, mais pas en goût. Il y a un goût agréable de sapin baumier, puis il y a une amertume de légère à modérée. Quand tu dis faible en alcool, tu parles de combien? Pourcentage, c'est 12. Et où cette brasserie-là? Tu dis que c'est la... Ah oui, mon Dieu, ça c'est la palabre de l'intendant. C'est la microbrasserie à l'abri de la tempête des îles de la Madeleine. Oh. Ah! Shout out aux îles de la Madeleine et leur Neo Post Crunk. C'est 4,3% d'alcool. 4,1. En bas de 5, okay. c'est léger. Oui, oui. Il y a beaucoup de bières légères en dépanneur. Alors les gars, on va boire... excuse-moi, il y a beaucoup de bières légères au dépanneur, en effet. On va boire du patrimoine et du savoir-faire québécois ici. Cheers! Je te garde bien que ça blanche qu'il n'a pas fini, pour c'est bon. Cheers, les gars. Cheers, ouais. Tu Sais-tu quoi? Si tu me dirais qu'il y a une bière qui goûte la forêt de sapin québécois, ça serait celle-là. C'est comme du ginger ale. Hein? Goûte ouais. La ceinture fléchée. Mais au sapin. C'est ça, au sapin. C'est pas de la bière d'épinette, vous avez remarqué? Mm-hmm. C'est pas la bière d'épinette comme on est habitué, c'est vraiment aromatisé au sapin pour rien. Mais si je m'en avais dit, il est pas... C'est doux quand même. C'est doux, hein? C'est pas présent au bout, là, comme... Oh, c'est, non, c'est ça, c'est discret quand même. Là. C'est pour ça que j'ai pas dit une bière au sapin baumier et que j'ai mentionné une bière aromatisée au sapin baumier. C'est parce qu'ils n'ont pas... Ils ont pas juste mis ça, tu sais. Une chance. Eh bon, une bière juste de sapin, ça doit être weird. Ça, là, ça doit être bon, là, me semble, avant de manger. Tu t'ouvres l'appétit avec ça. Oui. Tu sais, on dirait tu starts, là, puis tu débutes. Oui. Ou comme j'ai indiqué ici, avec l'agneau. Le côté sauvage de l'agneau va à côté le côté du sapin. Ensuite, un bon fromage de chèvre. Ça peut bien aller. Ouais, je peux le voir. Du gibier, pour la même raison que l'agneau. Ouais. Un poulet. C'est assez léger, à 4,3%. Ouais. Il y a un petit goût, mais ça va bien. Mais là, tu me poses une question. Là, mais en fait, je vais te poser une question. Cette bière-là, là, c'est uniquement en bouteille. Hein? Donc, il n'y a aucune possibilité de faire un poulet à la bière avec cette bière-là. Parce que on peut prendre la canette, la rentrer dans du poulet. Dans sur le barbecue. Merci, Milton. Je te dirais que ce serait du gaspillage. Ouais. Un poulet à la bière va s'évaporer dans le poulet. Ça va rajouter un côté juteux au poulet. OK. Mais il existe de très bonnes bières en canette, tout ça. Mais cette bière-là, elle se détaille quand même... les îles de la Madeleine, ils sont chers. C'est bon, okay. Mais c'est cher. Alors, okay. Ce prix-là, dans la bouche. Okay, ouais. Dans le bouche, pas dans le peteux. C'est ça. Dans la bouche, on la boit et on la mange pas. On okay. La cuisine pas. Excellent. Fait qu'on stick au Pabst Beer pour... Ouais, la Pabst, non, c'est une bonne recette. Archibald, par exemple. J'avais une recette du coq Laurentide. Ah, un mais l'Archibald, ouais, ça, je connais. Ben, Archibald, c'est ça, c'est une bière très accessible. Qu'on a au Biarrologue, qu'il y a dans plusieurs dépanneurs spécialisés, qui font en canette, 473 ml, une pinte, et c'est des très bonnes bières, donc je vous conseillerais d'utiliser une de leurs canettes si vous voulez faire un poulet à la bière. Parlant d'accord bière et mets, on a une question du Twitch pendant qu'on est en direct. Oui. Quelqu'un voudrait savoir un bon agencement avec du poisson doré. Quelqu'un s'en va à pêche, on a Seb qui nous demande ça. Il s'en va à pêche au doré, puis il veut une bonne bière québécoise pour aller avec. Oui, ben il peut soit prendre une blanche, comme okay. La Dominus Vobiscum blanche, mais moi je conseillerais une saison. Mm-hmm. La bière fermière, donc on a mentionné tout à l'heure, une saison, c'est génial. Sinon, une pale ale belge, exemple la Flakatoon, qui est faite par microbrasserie Charlevoix. Donc, saison au Flakatoon serait des matchs quasi parfaits okay. Pour aller avec du poisson. J'aime bien celle-là en passant. Elle est bonne celle-là, honnêtement. Qui a posé la question sur le doré? C'est Seb. Fait que Seb, je suis sûr que si tu pêches doré, tu chasses la perdrix. La bière qu'on boit présentement serait excellente avec la perdrix. Oh, tout oui. À fait. Ça fait partie de gibier. Il y avait aussi saumon fumé. Saumon fumé. Pour aller avec ça. Pendant qu'on boit ça, je vais peut-être revenir sur les pilsner et les lagers. En fait. En enlevant le umami, le cinquième goût, là, dans les bières, par exemple, la première bière qu'on a bu, on avait l'amertume, un peu d'acidité, du sucre. Il manquait juste le sel. Alors, pour avoir en cuisine, on sait que les Asiatiques sont très forts en cuisine, c'est parce que le but, c'est d'avoir tous les goûts en bouche pour que quelque chose soit pleinement savoureux. En même temps? En même temps. Okay. Et c'est pourquoi c'est si bon des petites grignotines salées avec une pilsner. C'est la raison, c'est parce que t'as tous les goûts en bouche. Les pretzels. Des pois de wasabi, man. Hey, ça c'est fort, ça. Du popcorn. Le popcorn, la cage au popcorn avec la bière, là. Mais parlant de la culture asiatique, la nourriture, j'ai écouté il y a pas longtemps Jiro, I Dream of Sushi, qui est un des grands de l'art du sushi. Sushi maker. Puis il parlait de ça justement. Son but à lui, c'est que tu t'en vas là-bas puis tu payes l'équivalent, c'est 300$ canadiens pour un repas. Tu vas avoir 12 morceaux. C'est 12 morceaux de sushi, 12 pour pièces. 300 pièces. Pour 300 pièces. Mais chaque morceau, regarde, ce gars-là est réputé partout dans le monde. Il y a 6 mois d'attente pour aller au restaurant. Disons que le documentaire l'a aidé beaucoup, j'imagine, en fait, à charger non, ça. C'est que le documentaire a été fait en raison que ça fait des années. Il chargeait déjà 300 pièces pour 12 morceaux avant. Il y a 6 mois d'attente. Le gars, ça va faire, je pense, il y a 80 quelques ans dans le temps du documentaire. Ouais. Puis je pense que ça fait environ... 50 à 60 ans qui fait du sushi, puis il excelle, puis c'est un maître. Là, il fait le vrai sushi comme Kiro. Ouais, en fait, le sushi, ben lui, il va faire Le sushi, c'est sur la... T'as le riz, t'as le poisson, puis tu vas avoir le wasabi, faire, puis la sauce, des choses comme ça. Si vous voulez mon avis, je suis sûr que ça vaut la peine. Ouais, puis je suis sûr que c'est du vrai wasabi, en plus. C'est sûr que c'est une expérience culinaire spéciale. Juste un exemple, il y a quelqu'un, un de ses apprentis, que lui, il va apprêter du poulpe là, ou de la pieuvre. Il y a quelqu'un que sa job, c'est de masser la pieuvre 5 heures par jour. Avant, soit... ouais, mais avant que lui, qu'elle meure ou après? Non, non, mais une fois lui, qu'elle meurt, la pieuvre, masse la viande. Puis là, il la masse avec un peu de sauce ou un peu de ça. Mais c'est pour qu'elle soit le niveau de fermeté idéal, la température idéale. J'écoutais ce documentaire-là, c'est puis malade, je capotais. Je veux voir ça. Puis quand tu parlais justement le umami, avoir toutes les saveurs, ça, là, c'est ça incroyable. Le documentaire, allez l'écouter, ça vaut la peine. Seule affaire, vous allez peut-être avoir un trip de bouffe par après si vous tripez sur les sushis. Moi, honnêtement, je m'en voulais. Il était rendu à peu près 1h30 un lundi soir, fait que je pouvais vraiment pas souper mon désir. Tu commandes deux plateaux là, de sushis, puis tu tapes ça à... Ouais, après, puis après ça, rendu à la moitié de ton premier plateau, tu fais, me semble qu'il est fade comparativement à ma télé. Il a de l'air tellement mieux dans la TV. Mais en parlant de sushi, un des accords les plus fun avec des sushis, c'est justement les bières blanches. Donc, comme la Dominus Vobiscum qu'on vient de déguster, il y a même une bière blanche faite par Brasseur de Montréal qui est au gingembre, la chi, qui est un match assez idéal pour aller avec les sushis. Ça, je veux pas avoir de préjugés, mais je déteste tellement le gingembre, là. Quand ma blonde fait un jambon, puis il y a ça, là, je capote, ben raide. Milton, il pitche sa fourchette à terre. C'est-tu bien prononcé que dans la bière? Oui, ne goûte pas la chi. Prends celle-là, par exemple, qui n'a pas de gingembre. Mais c'est pas un préjugé, c'est simplement tes goûts. Je veux juste pas dire d'une façon que la bière est pas bonne, mais genre, s'il y a un goût trop prononcé de gingembre, c'est sûr que je vais comme... En fait, c'est ça, genre. Là, tu blasses pas le gingembre, tu dis juste que t'aimes pas ça. Connaissant Milter, c'est un préjugé en le gingembre. Dans le fond, j'aime pas le gingembre. Fait que c'est pas... Il en parle régulièrement sur Twitter. Pas, ouais, je tweet toujours. Mais parle à ta gingembre. Femme, dis, tu check ses pocs à elle, puis elle continue de mettre le gingembre elle dans fait le jambon. Exprès, c'est elle quoi fait exprès. Ça? Dans le fond, c'est le running gag parce qu'elle sait, là. Elle sait tu vas juste choisir avec les palettes quand tu vas à SEO. Mais non, mais elle a. Qu'elle pitche le gingembre, belle. Elle a raison, là. Make it rain avec le gingembre dans le gingembre. Shout out à Martin Deschamps en passant en parlant de gingembre. Non! Excusez. Oh non! C'était trop facile. Ok, donc on est rendu. Celle-là, c'est. Non. Celle-là, je vais la laisser tempérer. Tu la laisses reposer, ok. Tempérer, mon Dieu, j'invente des mots. On va la laisser chambrer un peu pour avoir plus d'arômes tout à l'heure. Après celle-là. Faut-tu qu'on lui charge un loyer? Chambrer, oui. Tu charges un loyer au prorata. Ok, c'est fait qu'on va payer peut-être 50 par chambrée, on veut dire laisser réchauffer sur la table. Pour, Juste pour finaliser la palabre là, que t'as faite, vraiment une belle petite découverte pour moi. Moi, ça me fait. J'aime le goût. Là. C'est-tu quelque chose qui commence à être reconnu encore ou... Oui. C'est pas tout le monde qui embarque, comme je disais, mais il y en ça a de commence, plus en ça, plus ça, qui juste le font. Une couple de mois. Facilement une couple de mois. Elle est disponible pas mal tout le temps. À date, il y a deux brasseries qui en font une régulière. Et ils devraient commencer à en faire plus. D'ailleurs, on parlait de style inventé au Québec. Il y a aussi, il faut certainement souligner, en 1988, Boréal a commencé leur carrière avec la rousse, chose qui n'existait pas. En Irlande, les Red Ales, c'est le plus loin qu'on peut retracer les Red Ales, ça vient de l'Irlande. Sinon, il y en avait aux États-Unis, il y en a un peu partout, mais la rousse, la recette rousse avec le malt caramélisé puis un peu torréfié comme la Boréal l'a fait, l'ont inventé en 1988, c'est typiquement québécois aussi. Ah, c'est cool ça, je savais pas ça. Ça aussi, c'est typiquement québécois, qu'est-ce qu'on s'embarque dedans, non? Ça ici? C'est tout du québécois. Juste en lisant qu'est-ce qui marque sa boîte, là, puis je l'ai... Puis en m'ayant amusé avec cette bière la semaine passée. En terminant la palabre de l'intendant... Je peux commencer à parler de Dieu du Ciel. J'en ai mentionné tout à l'heure, là, le site Red Beer les a mentionné comme 12e meilleure brasserie. C'est pas une référence sûre et certaine, mais ça donne une idée de la qualité de cette brasserie-là. Jean-François, qui est le maître brasseur chez Dieu du Ciel, est probablement le meilleur maître brasseur au Québec. Il est très fort. Et là, on va rentrer dans des choses de fun. Donc, avant qu'on s'embarque là-dedans, là, je voulais mentionner, là, je voulais parler de choses modernes, de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la bière maintenant. C'est pour ça que j'ai apporté la palabre de l'intendant, pour vous montrer ce qu'on est en train de développer au Québec en ce moment. Une autre chose qui est très populaire, et c'est la combinaison de deux styles. C'est avec ça qu'on va terminer. Les deux dernières bières qu'on va boire sont des IPA. Yeah! Eric est combiné à un autre style. Il n'y a pas juste Eric qui est vendu. Depuis 5 ans, les IPA ont la cote au Québec. Tenez-vous prêt, la prochaine mode, ça va être les bières acidulées. Sour Ale. Ah oui. Fait que si on veut devenir les hipsters de la bière, faut qu'on commence tout de suite à boire des bières. Non, en fait, on ne veut pas devenir les hipsters de la bière. Non, mais admettons que je voudrais. Dans le fond, mais t'as juste à admettre à détester ça maintenant en disant que t'en buvais avant puis t'es correct. C'est ça, okay. Puis juste, tu dis la IPA, ça, je veux dire, aux États-Unis, c'est gros la IPA, mais ça. Ouais, mais là, les Sour Ale, c'est gros aussi, puis tout ça. Eric, je pense que tu mentionnais ça tout à l'heure. Pourquoi il y a eu un gros boom dans les 15 dernières années au Québec? À part de Robert Charlebois. Oui, ben c'est carrément l'intérêt. C'est l'intérêt qui des Québécois pour de la meilleure bière. Les Québécois aiment la bière, je pense, en général. Oui. OK, mais on peut-tu, puis pas aller dans le gros débat politique, l'homme, l'humain, la personne, la femme aime la bière? Ben, au Québec, on boit pas mal. En Allemagne puis en République tchèque, c'est les champions. De boire? Oui, le ratio de litres par habitant est très élevé. Là. Et au Québec, on n'est pas pire, par exemple. Mais, je prends me challenger sur le litre. Tout ce qu'on pense pour une coupe de non-buveurs. Je ne peux pas faire ça, mon médecin va capoter. Donc c'est ça. Donc, il y a eu un boom, il y a eu un intérêt incroyable pour la bière. Différente. On délaisse les macro-brasseries, les grosses brasseries qui vont brasser de la bière avec, si tu veux, le grain qui est le moins bon pour brasser de la bière, qui est le maïs. On va s'enligner plus vers du raffinement, des micro-brasseries. Donc, c'est ce qui se passe depuis 15 ans avec l'aide un peu de la SAQ. On va faire quoi avec tout le maïs après? On fait des fourchettes de blédingue de Balmol. Yes! Tu sais, ça va bien avec la bière. Mais selon la presse et le réchauffement de la planète, apparemment, il y aurait des nouvelles souches d'insectes qui s'attaqueraient au maïs sucré. Et donc, d'ici 5 ans, il y aurait fallu. André, j'attends encore. C'est comme dans 10 ans, il n'y aura plus de bananes qui disaient que. Fait qu'on est mieux de les acheter tout de suite. Ouais, t'achètes le plus de bananes que tu veux là parce qu'il n'y aura plus plus tard. Fait que dans 10 ans, tu peux les revendre sur eBay. Parenthèse, j'ai un de mes gérants, je travaille dans les ventes, il vient du Maroc et il avait dit une affaire très intéressante. Il dit il y en a plein de bananes. Il dit, je comprends pas le marché nord-américain, il achète sous commande. Ouais. En tout cas, une joke de gérant. Non, mais c'est, tu sais, tu annonces de quoi, puis tout le monde va acheter. Ouais. Là, ça, en tout cas. Les gars, vive la bière, on retourne à la bière. Connaissez-vous le style de bière qu'on appelle une triple? Non. Triple belge, puis enfants. Triple, ouais, c'est ça. C'est belge. La fin du donc monde. On dit souvent une triple belge. La fin du monde est une triple, mais la fin du monde. Bon, c'est bon que t'échappes ton crayon. Non, je voulais dire qu'Éric apporte le fait que la fin du monde est probablement la triple la plus connue au Québec, qui les Américains capotent dessus, qui est une excellente triple d'ailleurs. Par contre, la fin du monde a la fâcheuse caractéristique d'induire les gens en erreur. Ou de me saouler excessivement rapidement. Bienvenue dans le monde des triples. Merci. Mais la caractéristique qui induit les gens en erreur, c'est que sur la bouteille, c'est marqué triple fermentation, alors que ce n'est pas ça du tout. Chez Unibrew, ils vont faire. Il y a deux fermentations. Il y a une première fermentation en cuve, puis une deuxième refermentation en bouteille. Pour ne pas avoir ajouté du gaz carbonique, on va rajouter un peu de sucre, ferme le bouchon, puis la levure continue à travailler, puis elle fait tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans le cas de Unibrew, ils rajoutent une deuxième levure dans la première fermentation. Puis ils se créent une deuxième fermentation comme ça, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est simplement que la première fermentation qui continue avec une deuxième levure. Il y a seulement deux fermentations. Alors, pourquoi ça s'appelle une triple? C'est parce que dans le temps, les moines avaient des taxes sur les céréales. Alors, des fois, ils faisaient une bière simple. Des fois, ils faisaient une bière qui mettait le double des céréales dedans. Des fois, ils faisaient une bière qui mettait le triple de quantité de céréales dedans. Puis, des fois, ils faisaient qu'une quadruple. Alors, il existe des... Le monde n'est pas prêt pour une quadruple. Oh, on en a pas mal. Il y en a pas mal au Québec. Oh boy. La trois pistoles est une espèce de quadruple, si tu veux. Entre la triple et la quadruple. Je me souviens d'une soirée à la trois pistoles. Et je me souviens plus vaguement de cette soirée. Mais c'est plus qu'elle forte, dans le fond, plus que. Oui, ben oui, la céréale, c'est ça qui donne le sucre. C'est ça, alors, le taux d'alcool monte avec. Et la quadruple était réservée pour la botte, le rang le plus élevé, le moine qui avait le rang le plus élevé dans l'abbaye. Pour ses voyages mystiques. Et genre, pour se saouler tout seul dans sa cave. Mais, oublier qu'il est un moine. Pour transcrire la Bible. Oh mon Dieu. Les moines avaient convaincu le pape qu'ils devaient brasser de la bière, puis c'est ça qu'ils buvaient pendant leur jeûne, ça doit être drôle dans les abbayes. Puis ils avaient convaincu le pape parce que l'eau était pas buvable, que c'était correct de brasser de la bière, puis eux autres, ils buvaient ça. Puis là, les triples étaient gardés pour les occasions spéciales. Ce n'est que dans le 20e siècle que la triple est devenue blonde. Normalement, la triple était... Ben, toutes les bières étaient foncées avant, là, je l'ai expliqué tout à l'heure. Oui, c'est ça, à cause des céréales. Là. OK. Puis, c'est une triple. OK. Et c'est aussi une IPA. Alors, c'est une triple IPA. Ça veut pas dire que c'est trois fois une IPA. C'est une triple houblonnée comme une IPA. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'une IPA? Oui. Toi, Eric, moi, Eric, c'est parce que c'est un geek d'IPA. Non, mais c'est à cause que j'ai lu là-dessus, parce que ça me faisait triper l'IPA. Tu t'as acheté de l'IPA, t'es allé sur Wikipédia, puis... C'était pour... Ben, je veux pas te voler le punch, là. Vas-y. Ben non, c'est bien correct, mais la IPA... C'était pour les voyages, la corne de l'Afrique. C'est ça, c'était la PLL. La PLL anglaise, il y avait des soldats en Inde, OK? Partout où il y avait des soldats, ils construisaient des brasseries sur place parce que les soldats avaient le droit à 6 pintes par jour. Ça fait à peine 200 ans que la bière n'est plus considérée comme un aliment. C'est dans beau, ce temps-là, elle était considérée comme un aliment, la bière. Et est-ce que c'était sur le guide d'alimentation canadien dans la pyramide de la bière? Il y a 200 ans, je ne crois pas qu'il n'y avait de guide d'alimentation. Non, pas encore. Je n'ai pas bu la IPA. Je considère ça encore comme un aliment des fois. Oui, ben c'est ça. Ouais. C'est juste 200 ans, c'est 8000 ans. C'est assez récent pour qu'on se confonde des fois. Ben, là, oui. Moi, j'ai entendu une différente histoire, mais je continue. Donc, les soldats avaient droit à 6 pintes par jour, mais le climat politique en Inde ne permettait pas de construire des brasseries. Alors, pour que la bière ne périsse pas pendant le voyage en bateau, ils augmentaient le taux d'alcool. La IPA originale faisait 8-9% d'alcool. Et ils mettaient plein de houblon parce que le houblon est un agent de conservation naturelle. Et ils envoyaient ça. Puis un moment donné, la légende dit qu'il y a un bateau qui a fait naufrage près d'un port en Angleterre. Ils ont récupéré des tonneaux d'IPA. Et des marins joyeux. Ils les ont vendus. Ils ont vendu les tonneaux d'IPA, des bars, tout ça. Puis ça a tellement pogné qu'un style est allé. C'est là où Alexander Keith a sorti avec son affaire. Là. C'est exactement là, Eric. J'aime ça, tu suis. Mais ils ont trouvé ça, mais en y goûtant, ils ont fait tout de suite comme « Ah, ben tabarouette, c'est de même qu'ils ont fait ça. » Ils ont dit « Hey, c'est bon, ça. » Mais faut ça. Que tu trouves la recette pareil pour comment... Ah, ben il y en avait plusieurs qui sont mis à faire ça. Okay. Vous avez une triple IPA. Une bonne. Génial. Elle est malade. Et ne pas confondre avec double IPA. Double IPA, c'est vraiment... Double IPA ou IPA impériale, c'est vraiment une IPA qui est boostée, qui est à 8,6 avec plein de doublons, 8,6% d'alcool. Puis c'est quoi le pourcentage de ça? C'est une triple. C'est une triple. Houblonnée comme une IPA. Alors, on a une bière de couleur blonde qui est à 10,2%. Et là, on a un paradoxe. Je parlais de bière de soif et de bière de dégustation. Ça, c'est une bière, c'est une bière de dégustation de soif. Oh boy! À 10 points... non. C'est une bière à 10,2%, mais qui est quand même rafraîchissante. De là le terme dangereux, c'est ça, ouais. D'Eric. Fait que dans le fond, ça vient en caisse de 4, puis il y a une raison pourquoi ils font pas des caisses de 6, j'imagine. La raison aussi, c'est le créneau de Dieu du ciel de leur bière Momentum. Les bières qui font un brassin par année, ils les vendent en paquet de 4 avec l'appellation Momentum. OK, donc ça veut dire qu'à un certain moment de l'année, là, de la Dieu du ciel Momentum, il y en a quasiment plus. Là. L'herbe à détourne, au moment où on se parle, il en reste pas beaucoup. OK. Donc, il faut se lancer au biérologue. Il y a plein. Au biérologue, il reste 3-4 packs. Est-ce que vous nous limitez à une, là, c'est ça? Non. Ah, merci. Il y a des gens qui ont fait des réserves, tout ça. Quand on limite à une, ce n'est que pour que plus de monde puisse apprécier cette bière. C'est quoi, à cause que vous m'avez limité une fois sur une castor? C'est là où je pense que j'ai aimé la castor encore plus parce que j'étais limité à une. Ah, l'esprit humain. Marketing. Ah, à ça son a marché meilleur. Très bien. J'ai rêvé de cette bière-là pendant une semaine après. Donc, l'herbe à détourne est une triple très bien faite. La céréale est mielleuse, c'est-à-dire qu'on sent un petit sucre. Il doit pas avoir beaucoup de boules, celle-là. Elle est un peu moins effervescente que la plupart des triples. Ce qui fait notre affaire avec nos verres qui fait de la rétention de mousse ici. Je sais pas si tu peux le passer à notre ami. Non. J'ai même l'honneur d'annoncer aux gens, pour les gens qui écoutent le podcast d'habitude, on va se permettre de défoncer ce soir. On flash pas les lumières comme Jean-Marc Parent pour une référence obscure. Mais on va défoncer parce que ben c'est le fun. On a de la bonne information. Puis ça vaut la peine. C'est consistant, effectivement. L'herbe à détourne, c'est ça, c'est une belle trip à 10,2% avec un petit côté mielleux. Puis le houblon qui est utilisé dans celle-là est du citra. C'est un houblon très rare qui porte son nom. Citra est un peu citrique, très goûteux. En bouche, ça peut faire penser à certains fruits tropicaux. Si tout le monde en a, là, je pense que j'ai mal partagé ça. La citra, j'ai vu. Ah non, il y en a d'autres. Il en reste d'autres. Il y en a deux autres. C'est pas la citra. C'est pas la cascade. Non, la cascade, c'est un autre. Le cascade aussi va avoir des goûts de fruits tropicaux, c'est surtout ça. Un arrière-goût de zeste de pamplemousse. Parce que la IPA à houblon cascade, j'avais bien aimé aussi. Le houblon cascade est fantastique. Petite clarification là, sur IPA, la définition exacte. Indian Pale Ale. Donc, c'était la Pale Ale qu'ils envoyaient en Inde. Okay, c'est pour ça. Okay. C'est ça l'histoire, parce qu'il mettait beaucoup d'houblon pour. Il la faisait très forte pour qu'elle survive. Ok, juste le voyage alentour de la. Mais c'est juste parce que, dans le fond, c'est une sorte de bière de la IPA, là, vraiment. Là, c'est une bière qui soune. C'est le fun, c'est juste à l'odeur. C'est... Les gars. Cette bière-là est une des plus populaires au Québec en ce moment. On a vraiment un grand cru entre les mains. Cheers, puis dégustez adéquatement. Je peux-tu, prendre l'avantage que t'es tif d'en réserver une des quatre packs pour demain? S'il en reste, quand j'arrive demain... Il a même pas goûté encore. Ben ouais. Non, il l'a goûté. Ah non, moi, okay, j'ai pris un pack, moi. Oh, ouais, oh boy, ouais. Alors, on a une bière à 10,2%, mais qui est tellement bonne qu'on pourrait prendre des grandes gorgées. Si jamais vous en versez un verre à la maison, je vous conseille de la verser dans un verre à vin blanc. Ne serait-ce que pour vous rappeler qu'il faut prendre des petites gorgées. Oui. Je l'ai bu direct dans la bière, puis j'ai regardé du Howie Mandel pour 4 heures après. Elle est bonne sans bon sens. Elle est bonne, ouais. On peut reconnaître... de la pêche, de l'ananas ou même de la mangue dans le côté aromatique du houblon. Le côté amer du houblon... Il va être plus zeste de citron. Nick, non, il y a un goût que je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais que ça goûte vraiment quelque chose, ça me rappelle quelque chose, mais je pourrais pas dire quoi. Je pense que c'est le citron, moi. Ça te rappelle une cuite. Une canne de pêche. Une canne de Del Monte. De pêche en canne, là, quand tu l'ouvres, là, l'espèce d'odeur qui sort, là, t'as un peu ça dans le houblon. Ouais. Non, c'est vrai. Wow, elle est vraiment traître. Et par ça, c'est très bon. C'est peut-être ça qu'il faudrait que je m'ajoute. Ma blonde essaie de me limiter des fois à 4 bières, tu sais, au lieu de 6. Puis en fait, il y en reste juste 3. J'ai juste bu 4. C'est ça, fait que ça passerait mieux, tu sais. C'est bien gorillo pour n'avoir bu 4. Ben, c'est juste bu 4, tu sais. Si on boit une bière, t'en pognes une à 11,99. Ouais, ben c'est ça, là. Je mentionne ça, là, 11,99, c'est parce que t'as pas le droit de faire une bière qui a 12% au Québec. La limite est 11,9. Est-ce qu'il les teste pour savoir, t'es à 12% puis il arrête vraiment à 11,9? C'est très aléatoire, les tests. C'est un peu comme un barrage pour savoir si t'as bu au volant. Tu sais, il arrête un char de temps en temps. Là. Mais je vois aucunement de quoi tu parles. Oui. Il y en a-t-il une à 11,99? Oui. C'est quel? Marketing. Brasseur illimité dont je porte le chandail. On fait une série alphabétique. Donc, chaque lettre, ils sortent une nouvelle bière. Demain, lancement au biérologue de la Hopfenweisen, qui est une bière de blé allemande. Quand ils sont rendus à O, ils sont rendus à F. Bref, c'est une bière de blé allemande, mais c'est la B. La B, qui est une triple, mais noire. Elle s'appelle la Hopfenweisen, ils sont rendus à F, mais elle, c'est une B. Non. Hey, j'ai sauté une étape. Ouais. Okay, excuse-moi, c'est pas que... Okay. Wow. C'est vrai qu'elle traite ta bière. La bière à 11,99, c'est la B. Okay. Qui est une triple noire. Ok. Juste que là, je te suis. Demain, moi, je me suis dit, pourtant, j'ai bu un demi-verre. Je devrais pas être si planté que ça. Tu te souviens, hein? Eric a répété à plusieurs reprises le mot « dangereux ». Oui, effectivement. Mais bien. Ouais, bien. C'est un bon danger. Mais c'est le goût citronné. Alors, on peut la laisser de côté, puis tout de suite attaquer avec un autre verre. On reviendra tantôt. Il y en reste une, justement, au pays tantôt. Oui, c'est ça, exactement. On peut tout de suite attaquer celle-là, oui. Juste pour faire, parce qu'un de mes coups de cœur, c'est la Yakima. Oui. Elle goûte un peu la Yakima, puis c'est ça que je trouve bien. Dieu du ciel, vont souvent utiliser les mêmes houblons. Le Centennial, la Mario, puis je sais pas ce qu'il y a dans la Yakima de Castor, mais ça goûte beaucoup le Centennial. C'est ça que c'est une espèce de lourdeur de houblon, mais en même temps, c'est équilibré. La Yakima, oui, c'est quelque chose. Et là, je vous ai mentionné que les deux derniers styles, c'était des styles mélangés, mais c'était des IPA. Oui, je sais. Et je vous ai raconté l'histoire du Porter. Mais je vais vous raconter un petit peu plus. Les femmes enceintes, là? Ouais, ben ça, c'est au Québec. Mais le Porter a commencé en Angleterre. C'était la première bière qui était là. C'était une bière noire parce qu'il était juste capable de brûler la céréale. Et c'était le Porter, ça date de l'influence francophone. C'était les porteurs. Les Normands? Non, les porteurs, les gens, les ancêtres de FedEx. Okay. C'est les gars, les gros gars qui transportaient des barils, des valises, les porteurs. Ils transportaient des colis, puis eux, ils se nourrissaient avec ça, un porter. Le stout s'est développé en même temps en Irlande, et c'était la même chose à l'époque. Aujourd'hui, un porter va être plus doux, le stout va être plus torréfié, un petit peu plus amer. Et bien là, on a le mélange des deux. On a une IPA noire avec un grain torréfié senti. Alors, on a l'amertume du grain et l'amertume végétale dans une bière de la microbrasserie du lac Saint-Jean qui a un aspect crémeux là-dedans. Une des meilleures IPA noires que j'ai pu boire. Et je vous ai apporté ça ce soir. Wow! Oh. Merci! Moi, j'aime ça crémeux en plus, des bières dark. Là, c'est... Oh boy, ça a l'air bon ça! Moi, j'ai une mauvaise... Moi, j'ai pas été convaincu ces IPA noires encore. Je n'ai essayé Quelle une. T'as goûté? J'ai goûté celle, tu sais, c'est les six, j'ai oublié le nom de la brasserie, mais c'est genre dans une boîte en carton. En carton? Ouais, mais c'est comme une boîte là, qui a pas de couleur. Oh mon Dieu! Elle a gagné un prix au niveau canadien, le même concours que la blanche, cette IPA noire là. Et voilà la crédibilité que j'ai sur les goûts de bière. Mais non, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Pourtant, s'il y a bien quelqu'un qui est canadien ici, c'est bien toi, Eric. Wow! Mais elle, en tout cas, c'est pas que je l'avais pas aimé. Je pense que ce qui est arrivé, c'est quand je l'ai acheté, j'avais un de mes amis, c'est lui qui m'a fait découvrir les IPA voilà, une année ou deux. Puis j'avais acheté la Dunham pour s'amuser un soir, en fait, au biarologue. Puis. Fait que t'es tout le temps rendu là, toi, finalement. Ben pas tout le temps, mais je vais là souvent. Là, vous avez-tu des cartes à étendre, tu sais, à chaque fois que t'ajoutes de quoi t'étendre? Eric, je suis sûr qu'il te remplirait ça assez vite. Des ouais, cartes de fidélité. Parce qu'à chaque fois, on a bien des choix, hein. Puis le biarologue, c'est un excellent choix que j'adore aller. Ben, tu nous en parles à tous les épisodes quasiment, c'est pour ça. Dernièrement, en plus, pour ouais, depuis ça, que j'ai c'est découvert ça, cette place. Puis, ben, c'est ça, on est rendu avec un épisode du biologue. Non, en plus. Ah, Eric, c'est une bonne mascotte. Mais tu l'as dit, c'était l'autre, André ou non, coudon. David. David qui était là. Puis en passant, j'ai découvert que c'est un grand amateur de hockey aussi. Oui. Puis il trippait bien raide sur le hockey. Puis on s'avait ramassé ça pour écouter la game de Boston. Mais mon ami, il travaille de nuit. Puis il a bu deux Dunham. Avant d'aller travailler? Non, pendant la game de hockey. Puis après deux Dunham, il était. Il avait perdu. Ok, refais-moi dans ça. Ah, Eric! Eric, précision, ils ont sorti une IPA noire, puis ils ont sorti une IPA noire impériale. C'est la impériale que j'avais. Impériale, ça date du temps qu'ils allaient porter les starts à Catherine, l'impératrice de... Pour y fermer à gueule, je pense. Mais même affaire que l'IPA, pour que la bière ne périsse pas dans le voyage, ils augmentaient le taux d'alcool, puis le houblon. Et la IPA, la IPA noire impériale de Dunham est la bière, à ma connaissance, la plus amère qu'il y a eu sur le marché québécois. Elle était 147 au niveau... OK, l'amertume est quantifiée. En IBU, International Bitterness Unit. IBU, en haut de 90 IBU, ta bouche fait plus la différence. OK? En haut de 90, wow. ça fait plus rien, tu sais. Ça a tout brûlé, genre. C'est ça 147. Oui, non. La IPA de Dunham Impérial. C'était 147, là. T'avais l'amertume, t'avais 60 points d'amertume au-delà de ce que ta bouche peut percevoir. C'est combien en gomme sûre, ça? Puis... En gomme sûre, on n'est pas pareil. Disons que c'est comme si tu... La question qui tue. Disons que c'est comme manger la pleure d'un pamplemousse au complet. André, mets tes lunettes. Wow. Non, je pense pas. Je savais même pas que l'amertume avait son unité de mesure, moi, mais être franc avec vous autres, là. Ben écoute, ce que je propose, malheureusement, pour ben nous, qu'on finisse avec ça. On ben va oui. terminer sur cette bière-là. Oui, oui, oui, excuse. On va prendre premièrement notre gorgée. On va tous y goûter ensemble. Oui, je vous en parle. J'aime la sentir. On te laisse nous expliquer qu'est-ce qu'on voit. Ben c'est comme je vous expliquais, hein, quand même douce, une IPA noire. Goûtez-y, je vais vous en parler un peu après. Ça, j'aime ça. Sirop d'érable, ça se pourrait-tu? Un peu. C'est-à-dire que tu vas goûter, il y a un goût de chocolat. Il y a un goût de chocolat noir, un peu amertume de chocolat. T'as le houblon de la IPA, mais ce que j'aime, c'est les notes de torréfaction dans cette bière-là. Puis, bon, c'est une excellente bière, etc., etc. Moi, ce que je voudrais dire en terminant, c'est que ce style-là a été créé, c'est très récent, c'est un des styles les plus récents, il y a 15-20 ans, ce style-là. Wow. Il a été créé par Greg Noonan au Vermont, aux États-Unis. Qui est décédé l'année passée. Wow! À quel âge? Il a trop bu son produit, non? 59 ans, je crois. Ah, il avait un cancer du poumon. Ah. T'es pas jeune non plus. Non. Ouais, mais pareil. Ben non, c'est pas vieux, c'est mais... Il y a pas... enlève ses jeunes dans nos je pensais qu'elle allait dire il y a 32. Ah non, il brassait de la bière encore, puis tout ça. Mais bon, donc lui, il a combiné la IPA puis le Stout Porter pour faire un style de bière. Et c'est très, très à la mode en ce moment. C'est très moderne et c'est disponible. C'est disponible. On en a encore une caisse et demie au biérologue, si ça vous intéresse. C'est génial. Olivier, merci d'avoir pris le temps de venir avec nous. Honnêtement, regarde, encore une fois, tu es un des invités les plus préparés. Je pense que ça paraît que tu es un passionné là-dedans. Ça paraît que tu es un tripeux et un consommateur également. Je te remercie. Puis, honnêtement, regarde, c'est génial, la bière moderne, des styles de bière, que ça fait 15 ans que ça existe, des choses comme ça. Le biérologue, donc, pour récapituler, 4301 Ontario-Est, entre Viau et Pinneuf. Vous tout êtes ouvert tous les jours de la semaine. Jusqu'à 9h. Jusqu'à 9h. Là, je pense que tu avais mentionné aussi également demain, donc le 14, pour les gens qui nous écoutent en direct. Oui, on va avoir un 5 à 7 avec Philippe Wouters. Qui est un biérologue, un spécialiste en bière, sommelier, etc. Un vrai, là. Lui, il a son accréditation de spécialiste. Lui, oui, ça fait longtemps qu'il roule son affaire. En plus, il a une personnalité très enthousiaste et très sympathique. Il a sorti un livre sur la cuisson et la bière. Donc, 4 types de cuisson et 4 exemples pour chaque type de cuisson qu'on peut réutiliser à notre guise à la maison. Donc, pour le lancement de son livre, le lancement officiel va se faire le 20 juin au Vice-et-Versa. Par contre, il va être un 5 à 7 pour venir signer des livres, puis venir jaser avec les amateurs demain au biérologue. Manquez pas ça, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de jaser avec une sommité de la bière. Je fais pas de farce, mais je suis pas sûr que je vais y faire un tour. Ben oui. Je travaille pas demain. Puis, ouais. Pour les gens qui voudraient être en contact avec vous, donc on a la page Facebook officielle, le facebook.com/lebiérologue. Oui. Vous êtes également sur Twitter avec lebiérologue. Oui. Vous êtes également en succursale, donc toi, tu es présentement dans le magasin, les gens peuvent venir te voir, te jaser, puis en découvrir un peu plus sur la bière avec toi. C'est exactement ça, André. Bon, ben c'est génial, on va inviter les gens à venir passer vous voir. Excusez-moi, on déparle un peu, on a dégusté. Hein? On a dégusté de la très bonne bière. Exactement. Pour le reste des gens, nous vous remercions d'avoir été avec nous. On est le Geek Collectif, vous pouvez nous suivre sur Facebook. On a également un site web au geekcollectif.com. On est sur Twitter pour terminer la boucle des plugs sans mots. Au moi, Geek Collectif. Moi, c'est collectif. Ouais, ben, Geek Collectif pour exactement. Notre Twitter. Puis moi, c'est Zombie Milter en un mot. Checkez-moi. Exactement. Monsieur Nick. C'est Johnny Tabarnak. Johnny. À Twitter. Monsieur Eric. Montréalien. Moi-même, André Paquette au Uzumaki QC. Olivier, t'es sur Twitter? Non! Par contre, je suis rejoignable facilement. S'il y a des amateurs qui veulent des questions, je suis Olivier Landry, lié au biérologue sur Facebook. Je suis à l'aise. Vous pouvez m'envoyer des questions en privé. Je vais y répondre avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit dans 2 semaines. Toujours un plaisir. Envoyez-nous vos questions au podcast@geekcollectif.com. On va se faire un plaisir d'y répondre avec vous. Et allez liker notre page Facebook.